tous les soirs, 20h-23h, sur Fun Radio. Fun Radio. Et oui, on est là sur Fun Radio. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Bah, moi plutôt bien, hein. Tant pas terrible, mais sinon c'est plutôt bien marré. Plutôt une bonne journée, comme vous en tout cas, j'espère. J'espère aussi que vous passez de bonnes vacances, hein, si vous êtes actuellement en vacances. Et bah, pas comme James Blunt, hein. Vous connaissez évidemment James Blunt, là, qui a envoyé par erreur sa nouvelle chanson à plus d'un million de personnes. Il a fait la bourde, il a envoyé. Oh putain, non! Et c'est trop tard, c'est déjà parti, hein. Donc venez nous raconter d'ailleurs si vous avez déjà envoyé des messages à la mauvaise personne, et si vous avez eu peut-être des problèmes du coup, hein, à force d'envoyer le message à la mauvaise personne. Il y a Sandro qui vous attend au standard 01 42 48 5000 et pour bah, la Belgique 02 851 4x0. Ça vous est déjà arrivé de faire des conneries là, Tof? Oui, moi ça m'est arrivé, c'est-à-dire que j'avais rendez-vous avec une meuf, en fait c'est une autre que j'ai demandé où elle était. Ça c'est bon ça. Polo, il s'est déjà gouré aussi? Ouais, j'ai envoyé un message à mon ancien boss il y a très longtemps. En fait, je lui envoie un message normal, quoi. Je sais plus ce que je lui disais. Et à la fin, j'ai traité de sale con, quoi. Mais parce qu'en fait, c'était un copier-coller d'un autre message, et je l'ai envoyé, puis je lui ai dit pardon. Il fait ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, et Sandro? Bah, je crois que ouais, ça nous est tous arrivé. Moi, c'était un mec que je kiffais à la mort, et je voulais le dire à ma pote. Ah putain, je viens de le voir, il est vraiment trop beau et tout. Je l'ai envoyé à lui, quoi. Et toi, tu l'as envoyé directement, lui, évidemment. Ouais. Quoi, après, parce qu'il savait que j'étais à fond sur lui, quoi. Ah, moi, oh, ça m'est déjà arrivé plein de fois. Je me souviens pas d'un cas en particulier, mais je me souviens le nombre de fois où j'envoie le truc. Et tu sais, bon, à l'époque, encore quand t'avais les vieux téléphones, tu pouvais encore le jeter par terre, c'est pour que la batterie s'enlève et essayer. Là aujourd'hui avec les iPhones, tu peux plus, parce que tu peux toujours le jeter par terre, hein, mais ouais non mais d'accord, mais ça vaut plus cher, quoi. Mais je veux dire, c'est sur nous, tu peux pas enlever la batterie ou tu vois, c'est emmerdant, quoi. Donc une fois que ça part, tu vois la barre, et puis c'est la merde. Ah, et puis c'est la merde totale, quoi. Si c'est mon iPhone, je préfère que ça parte quand même et pas le jeter par terre. Ouais, non, mais d'accord, mais après ça dépend. Bon, bah dites-nous en tout cas là, si vous avez déjà envoyé des messages au mauvais destinataire, qu'est-ce que vous avez envoyé comme message, à qui, pourquoi, comment? On veut tout savoir ici. Voilà, vous envoyez évidemment tous vos messages dès maintenant, donc hein, direction le Twitter évidemment, c'est le hashtag Mickaël que vous devez mettre en avant. Hashtag Mickaël, et puis vous mettez votre message, pareil sur Facebook, et puis les SMS fonctionnent aussi, on aura l'occasion d'en reparler. Alors faut aussi qu'on parle des vacanciers là, les plus chiants. Bah ouais, j'ai lu un article. Ouais, j'ai trouvé un article qui fait le classement par nationalité. Mais alors dites-nous vous aussi sur Twitter par exemple, là, ceux que vous trouvez le plus chiant en vacances. Ah bah, les Français sont dans le top, je crois. Ouais, les Français sont dans le top, figure-toi. Les Français. Un peu. Ouais, les Français sont dans le top, c'est vrai, effectivement. Mais c'est pas les plus relous. Ah bon? Ah non, c'est pas les plus relous du tout, même. Donc, bon, déjà, dites-nous ce que vous n'aimez pas comme nationalité en vacances, ces gens les plus. On sait par exemple que, je sais pas moi, les Allemands, par exemple, tu sais, ils sont là. En général, c'est vrai qu'ils sont plutôt bruyants. J'étais en vacances là cet été et on a fait une journée d'une expédition, bah, bref. Et il y avait des Allemands, qu'est-ce qu'ils étaient bruyants. Gentils, hein. Mais ils gueulaient, ils buvaient, ils étaient dégueulasses. L'autre, on était sur un bateau, l'autre il fumait, il avait cru qu'il était chez lui, et tu sais, alors qu'on il pouvait pas, donc maison, ouais voilà, c'est ça, ouais. Donc dites-nous quelles sont les nationalités que vous détestez en vacances, parce que relou, bah dites-nous pourquoi. Faut pas juste dire ah bah ouais, les Allemands c'est des cons, ça sert à rien, mais dites-nous pourquoi. Qu'est-ce que vous avez déjà eu comme expérience avec les Allemands, les Hollandais? Les Allemands sont plus mal habillés, hein, on peut le dire, hein, ouais, il y a les Hollandais aussi avec les sandales, ouais, bah c'est ça, mais c'est pareil, les Hollandais c'est les mêmes avec les chaussettes, hein, les chaussettes, c'est clair. Ou alors les tongs, mec, il met tongs avec les chaussettes. Ah non, mais c'est une horreur. Je vois pas l'intérêt. Je vois vraiment pas l'intérêt. Bon, bah dites-nous hashtag Mickaël pour parler de ça avec nous. Et puis je tombais aussi sur une info bizarre. Il paraît que la chirurgie esthétique est de plus en plus en vogue chez les mecs. Chez les mecs, chez toi à mon avis, hein. Et ils font quoi alors? Oh bah ils font plein de trucs là. Le reportage que j'avais vu, l'info sur laquelle j'étais tombé, c'était ils refont leurs fesses aussi souvent, ouais. Donc on va en parler ce soir. Qu'est-ce que vous feriez comme changement, les mecs et les filles, là, si vous aviez l'occasion de le faire sur votre corps, là? Qu'est-ce que vous détestez sur votre corps? Qu'est-ce que vous voudriez changer? Donc voilà, je parlerai aussi d'une technique révolutionnaire là pour entretenir la peau du visage, là, sur laquelle je suis tombé aussi. Oh. Donc émission un peu look ce soir, voilà. Look et tout le reste. Fashion. Ah, exactement, émission fashion ce soir. Vous allez voir, ça va être la folie. Et puis hier soir aussi, pour ceux qui n'étaient pas là, c'était la grande première de notre nouveau grand jeu, le chéri, je peux te faire cocu. Là, t'es en train de me demander l'autorisation que tu me trompes. Ouais, c'était ça, exactement. Demander autorisation de te tromper. Et on se le remettra tout à l'heure avant 23h, promis. Si vous voulez d'ailleurs vous inscrire pour la semaine prochaine, eh bien, il suffit de m'envoyer un petit mail, hein, mikl@funradio.fr. On aura l'occasion de repasser ça tout à l'heure avant 23h. Oui, trou du cul. Oui, bon. Je vais t'expliquer un truc. Là, oui. ta gueule maintenant, c'est bon? Elle avait l'air un petit peu tendue, la petite là. Un petit peu tendue. Léger, mais léger, vraiment léger. Bon, et au standard, il y a qui au 01 42 48 5000? Bonsoir, qui est là? Mathieu, salut, t'appelles pourquoi Matt? Parce qu'en fait, j'ai embrassé une autre meuf que ma copine. J'ai peur que maintenant qu'elle se venge. Sans blague. Évidemment qu'elle va se venger. Le seul que je peux l'avoir, sa soeur, elle a gagné deux places pour aller en VIP ou Xbox sur Fun Radio. Donc, Ah ouais, du coup, t'as peur qu'elle se venge. Bah forcément, ouais. Bon, écoute, on en parle dans un instant, Mathieu. Ça va. Bon, reste avec nous. On a aussi Camille qui est avec nous. Salut Camille, t'appelles pourquoi? Salut à tous. Salut. Alors moi j'appelle parce que je suis hétéro de base et en fait je suis attirée par une fille depuis peu. Ouais. Donc j'aimerais avoir quelques conseils, voilà. D'accord, bah, on va en parler tout à l'heure, hein. Ne bouge pas de là Camille, d'accord? Ça marche, merci. Bon bah très bien, à tout de suite, tout à l'heure. Et puis Samuel aussi qui est là, salut Samuel. Salut Mika, ça va ou quoi? Bah tranquille et toi, t'appelles pourquoi dis-moi? J'appelle parce qu'en fait moi j'ai un gros problème de couple, je suis dans la merde et ma maîtresse qui veut se venger. Très bien, on en parle dans un instant, d'accord? Ça marche. Eh ben reste avec nous, puis côté son explore ce soir. Alors je vous cale du lourd, hein. Ce soir il y a le nouveau son de Floride avec Pitbull. Et sera Can't Believe It. Alors qu'est-ce que je peux vous proposer aussi ce soir? La Showtech également. Ah là, pour faire la teuf, là, vous allez être au taquet, vous allez voir. Il y a Avicii également, là, préparation, Wake Me Up. Et puis, si vous voulez, il y a un petit Armin Van Buuren également. Voilà, Armin Van Buuren avec This Is What It Feels Like. Et si vous avez envie d'écouter des sons en particulier ou un des sons que je vous ai proposé plus rapidement que prévu, bah n'hésitez pas, le hashtag est Mickaël. Vous balancez tout ça sur Twitter bien sûr et sur le Facebook, facebook.com/Mickaël officiel. D'ailleurs il y a les photos aussi, hein, il y a des auditeurs qui sont amusés à nous dessiner en mignon. Voilà. Et du coup, je suis très mignon. Ouais, bah t'as pas encore été fait, toi, pour l'instant. Donc, c'est pour ça. Donc, du coup, t'es pas encore dedans. Donc, t'excites pas non plus. Donc, si vous voulez voir à quoi ça ressemble, bah, n'hésitez pas. On est décidé en mignon. Quoi? Ouais, on est décidé en mignon. Moi, je trouve que l'idée elle est quand même vachement bien. Hein. Débile. Non, elle est pas débile. L'idée, elle est plutôt même très très bien. Bon, vous pouvez aller voir facebook.com/Mickaël officiel. Et puis, on a aussi des cadeaux, bien sûr, à vous offrir tout à l'heure avec les caméras numériques qu'on aura à vous balancer, ainsi que la possibilité de partir. Direction Ibiza. Eh ouais, direction Ibiza pour aller assister évidemment à la soirée qui risque de tout déchirer évidemment. Enfin, aux soirées, hein. Soirée Fuck Me, I'm Famous. Et ce sera donc Ibiza, on vous enverra là-bas. Tout frais payé, on jouera avec la colle du jour. Et ce sera donc d'ici une bonne demi-heure. Donc voilà, restez bien sur Fun Radio. Et là, on accueille Sébastien qui est de nouveau avec nous. Je dis de nouveau parce qu'on l'a eu hier soir en fin d'émission. Est-ce que tu es là, Sébastien? Oui, je suis là, bonsoir l'équipe, bonsoir. Parfait. Eh ben bonsoir Sébastien. Alors pour résumer, donc Sébastien, on t'a vu hier soir et en fait t'appelais parce que t'avais deux voix. Oui. Voilà. Très bien, parfait. Donc ça te posait un problème et donc du coup tu voulais qu'on en parle. Eh ben c'est parfait. Je voulais aussi savoir, est-ce que vous aussi vous avez des particularités physiquement ou au niveau de la voix ou au niveau de, je sais pas moi, n'importe quoi. Comme lui il a deux voix. Alors par exemple pour ceux qui étaient pas là hier soir, Sébastien, est-ce que tu peux faire une petite phrase genre salut tout le monde, je suis content d'être sur Fun Radio et au milieu tu changes ta voix et tu prends une autre voix. Comment? Alors, il faut que je dise quoi? Bah, tu inventes n'importe quoi. Genre, salut tout le monde, je suis content d'être sur Fun Radio et au milieu, tu changes ta voix. Ok, ça marche. Salut tout le monde, je suis content d'être sur Fun Radio. Et ouf quand même, hein? Ouais. Il arrive à faire ça comme ça, là, comme normal. Si de rien était. Normal, exactement, ouais. Bon, et bah, donc voilà, les particularités, bah, vous venez nous en parler. Sébastien, tu restes avec nous? Bien sûr, y a pas de problème. Bah voilà, c'est parfait. Je vais pas perturber parce que comme il change sa voix tout le temps, j'ai l'impression d'avoir deux auditeurs différents justement à l'antenne. Bon, ben restez tous là justement avec des messages qui arrivent aussi. Il y a Chris sur Twitter qui dit Floral et Pitbull, Can't Believe It, ça va être bon ça. Bah oui, ça va être très très bon. On va se le mettre dans un instant d'ailleurs. Il est là, celui-là. On va le caler dans quelques secondes. Il y a Eric aussi qui dit salut Mickaël et la team. Salut à vous toutes. Ouais, il a pas dit vous tous, ça, t'as remarqué. Il y a Issam aussi qui dit moi je changerai tout car je me trouve pas beau du tout. Il y a aussi Chris qui dit elle savait pas la chance qu'elle avait hier soir. Oui, ça c'est clair. C'est vrai. Il y avait quoi aussi, Paul qui dit moi j'aime pas les Allemands parce qu'à chaque fois qu'on passe derrière eux c'est dégueulasse, surtout les vieux. Ouais, peut-être, faut voir. Bon, en tout cas on en parlera des nationalités en vacances justement. Quels sont les plus polis, quels sont les moins polis, on en parle dans quelques instants sur Fun Radio. Soyez tous les bienvenus, c'est Mickaël No Limits sur Fun Radio et on est là jusqu'à 23h. No Limits Mickaël. Sur Fun Radio. Un truc à dire. Mickaël. Appelez Mickaël. nos limites. Fun. 01 42 48 5000. Ouais, bah voilà, vous avez le numéro du standard. Hein. Reste plus qu'à le composer maintenant. Si vous voulez venir parler avec nous, vous êtes les bienvenus. Vous envoyez aussi votre message si vous le souhaitez là sur le Twitter, hashtag Mickaël. Il y a plein de messages qui sont arrivés d'ailleurs. Je vous avais demandé si ça vous était déjà arrivé de vous tromper en envoyant un message, genre de l'envoyer à la mauvaise personne. Il y a Victor qui dit ça m'est déjà arrivé. J'ai envoyé Game Over sans faire exprès à un pote qui venait de m'envoyer que sa mamie était décédée. Oh, le truc glauque. C'est bah, Game Over, ouais. Bah, oui, là, pour le coup. Bah, oui, c'est sûr. Il y a Ben aussi qui dit moi, c'était un pote. J'ai dit il me fait chier ce con et je devais l'envoyer à l'autre. Je me suis planté, mais ça va, il l'a bien pris. Ah bah, oh, ça va, t'as encore de la chance hein, pour le coup. Essaye de faire ça à ton boss pour voir si. Ouais, mais c'est une blague. Je me suis gouré, t'inquiète pas. Bah, on va voir s'il va bien le prendre. Et il y a David aussi dans quelques instants. Bonsoir, David. Bonsoir. Bonsoir. T'appelles pourquoi, David? J'appelle pour réagir à ce petit jeune homme du traitement qu'il prend. Ah oui, Sébastien là, Sébastien qui avait une double voix, c'est ça? Voilà. Bon bah très bien, bah, reste avec nous Sébastien. David, on va te prendre dans un instant avec Sébastien également, juste après le son de Florida. Tu connais le nouveau son de Florida avec Pitbull? Oh, c'est pas mon genre, désolé. Bah c'est pas grave, t'inquiète pas, tu vas voir, ça va peut-être devenir ton genre. Tiens, je te le passe maintenant. Florida et Pitbull, c'est maintenant sur Fun Radio avec Can't Believe It. Bonne soirée avec Fun Radio. I can't believe it. Il y a Chris sur le Twitter là, de l'émission qui dit ouais, il est trop fort ce son, gros kiff. Ouais, le nouveau son de Florida à l'instant sur Fun qu'on vous a fait découvrir ce soir et Pitbull avec Can't Believe It sur Fun Radio. Bah, il y a qui que vous entendez ce style de son hein. Prenez le contrôle, appelez le 01 42 48 5000. Exactement, il n'y a plus qu'à prendre le contrôle et appeler le standard. N'hésitez pas, il y a Sandro qui s'y colle derrière. DJ Kylian aussi qui disait énorme le son. Et un message aussi qui est arrivé de Ben qui dit trop chelou quand même. Sébastien avec sa double voix. Bah justement, tiens, en parlant de ça, on va le récupérer maintenant. Sébastien, toujours là? Sébastien? Oui. Ah voilà. Sébastien, donc de Paris avec la double voix. Et donc toi, tu nous avais appelé en fait hier parce que t'avais pris un traitement pour les traitements hormonaux, c'est ça, hier? Enfin, pas hier, mais tu nous as dit ça hier. Et donc, du coup, ça t'a, y avait des effets secondaires, dont le risque d'avoir effectivement des problèmes au niveau des cordes vocales. Exactement, oui. Et donc c'est ce que t'as eu comme problème, puisque bah du coup tu peux arriver à faire deux voix, sauf que la version naturelle, c'est plutôt la voix aiguë qui sort sans réfléchir, quoi. Oui. Voilà. Bon. Et alors il y a David qui est avec nous là, qui appelle de Toulouse. David, 23 ans, toujours là, David? Oui, toujours là. Bon. Alors du coup, toi tu nous appelais pourquoi, David, par rapport à Sébastien, mais toi aussi t'as un problème physique? Non, je prends le même traitement que lui en fait. Ah bon? Ah d'accord. Moi, c'est ma voix normale. Mais il y avait d'autres effets secondaires possibles justement. Donc toi t'as un autre effet secondaire ou toi t'as rien? Après l'effet secondaire, c'est au niveau des os, moi. Au niveau des os, alors c'est-à-dire? Au niveau des articulations, tout ça. Et ouais. Des blocages en fait, des doigts qui peuvent se bloquer comme ça. Oui, c'est vrai. Donc c'est, je comprends pas, des doigts qui peuvent se bloquer, c'est-à-dire que t'es en train de genre de d'écrire par exemple et puis là tout reste bloqué? Voilà, le doigt il reste bloqué droit. Ah ouais? Mais oui, bon, bah, à la limite, c'est peut-être moins emmerdant que la voix aiguë, quoi. Bah, ça dépend, hein. Ça dépend, moi aussi, je peux faire la voix aiguë, si je veux. Oui, non, mais moi aussi, je peux faire la voix aiguë, ça, c'est pas un problème, hein, regarde. Oui, ça va. C'est que ça. Comment? C'est aiguë que ça. Ah ouais, il peut faire la voix aiguë, ouais, là, il m'a mis une claque. J'ai du mal, moi. Ouais, là, il a fait la voix aiguë, là. Ouais. Bah, il a fait la même que toi, mignon, hein, en fait, tout simplement, ouais. Je sais pas combien de temps il doit prendre, lui, le traitement, mais moi, j'en ai pour encore une vingtaine d'années. Ah oui, carrément. Et toi, Sébastien? Bon, en fait, c'était en 2003, et j'ai eu 6 injections, une fois par mois. D'accord. Et donc, ce traitement, il sert à quoi, en fait, dans l'absolu? Il sert quand on a des problèmes d'hormones de croissance, en fait. D'accord, donc vous prenez ça, mais du coup, ça peut vous foutre autre chose en l'air, quoi. Ouais, en grosso modo, c'est ça. Ah ouais, d'accord. Et il devrait y avoir des traitements comme ça, tu sais, pour l'intelligence, pour Tof, par exemple. Ouais, c'est un truc, c'est pour qu'il soit moins con, un truc comme ça, je sais pas, hein. Mais j'ai essayé plusieurs traitements, ça a pas marché. Ouais, bah ça m'étonne pas, ça, effectivement. C'est mignon. Mais il devait y avoir des effets secondaires, non? Plein. Bah ouais, c'est ça, plein. Il les a tous eu, non, là. C'est-à-dire qu'il y avait pas de bol. Tu sais, généralement, il y a une liste qui fait à peu près la taille de ton bras, bah j'ai tout fait. Oh, ah, le pauvre. Ah bah oui, ils sont contents aussi, d'ailleurs. Bon, et donc, David, toi, ça va, ça te tue pas ta vie, toi, d'avoir ça? C'est emmerdant, mais c'est pas non plus. C'est pas vital, quoi. Ouais, c'est ici, en fait, c'est un peu vital par rapport à la forme, en fait. Il y en a, c'est des cas pour autre chose, mais moi, c'est pour me maintenir en forme comme personne qui n'ont pas eu de maladie. D'accord, ok, ouais, ok, je comprends. Bah très bien, mais merci David en tout cas pour le témoignage. Et puis bah tu reviens quand tu veux, David, à Toulouse. Hein. Mais pas de soucis. Salut David, à bientôt. Et on embrasse tout le monde dans le 31 d'ailleurs, hein, tous ceux qui sont à l'écoute de Fun là ce soir. Il y a aussi Mathias, je voudrais avoir l'avis des filles aussi, hein, les filles. Hein, n'oubliez pas, là, vous appelez 01 42 48 5000. Et d'où que vous soyez en France, vous téléphonez, il n'y a pas de problème. Et d'où que vous soyez en Belgique, au 02 851 4x0. Est-ce que vous aussi, vous avez des problèmes, des petites particularités physiques comme ça, dont vous avez honte ou pas honte? Donc vous jouez justement, au contraire, c'est peut-être un petit point positif. Là, qu'est-ce qu'on peut avoir comme, truc pratique chez les filles, bah, chez les filles. Ouais, chez les filles, même chez les mecs au final. 4 seins. Ouais, ça peut être sympa pour le mec, pas sûr pour la fille, cela dit. Bon, il y a Mathias qui est avec nous maintenant, qui appelle de l'Ariège. Salut Mathias. Ouais, salut. Comment vas-tu? Eh ben ça va. Eh ben très bien, ben sois le bienvenu alors. Bon, tu voulais réagir aussi par rapport à Sébastien? C'était par rapport au SMS en fait. Dis-moi. Qu'on envoie par erreur. Ah très bien, très bien. Alors bouge pas hein, Sébastien, on va essayer d'avoir une fille là, dans quelques instants. Qu'est-ce que t'as envoyé comme connerie toi? Parce qu'on en avait parlé, parce qu'au début de l'émission j'avais dit qu'il y avait James Blunt qui avait envoyé sa nouvelle chanson en fait à plein de monde sur Twitter parce qu'il s'est gouré. Et donc du coup je me suis dit c'est vrai que ça doit être arrivé à plein de gens, notamment sur les SMS, hein, tu sais, genre t'écris un SMS, en fait tu es en train de parler genre en mal de la personne et t'es tellement en train d'en parler en mal que tu l'envoies à cette personne-là et c'est le drame. Donc t'as fait quoi toi? Alors en fait l'autre jour j'étais chez un client en train de bosser tranquille, puis j'ai une copine qui m'appelle. Ouais. Et je lui parle un peu, puis j'abrège, je lui dis il faut que je taffe quoi. Ouais. Donc je coupe court et puis après j'y envoie un texto, je lui dis ouais j'avais envie de te parler, mais il y avait le client dans les parages, point de suspension, un peu relou. Ouais ouais, et je lui fais bisous belle quoi, un truc comme ça. Et puis en fait, après j'ai le client qui se pointe là, moi j'étais là tranquille en train de bosser, qui me dit ah vous l'appelez belle Tu m'étonnes. Bah encore ça va parce que tu lui as pas dit ouais il est vraiment relou. T'as juste fait ouais je suis le client, trois petits points. Ça peut ouais. Tout dire et rien dire en même temps. Ouais, en même temps ça faisait vraiment ouais voilà quoi. Bah mais après de toute façon quoi qu'il arrive faut toujours nier après hein. Ouais, toujours ouais, tu nies. Le mec qui vient c'est pour moi, c'est une erreur. Vous comprenez, je suis sérieux dans le travail. Ouais, mais c'est ça. Mais c'était pour voir comment vous alliez réagir. Il y a Denis, tiens, sur le Twitter, qui dit attends, c'est quoi, Sniff, il m'a pas envoyé sa nouvelle musique. Oui, ça m'arrive trop souvent de me tromper de destinataire. Cela dit aussi. Et alors, message aussi qui est arrivé, mais ça c'est par rapport aux Allemands. On le lira dans quelques instants. T'as déjà fait quoi, toi, Tof, comme connerie avec ce genre de SMS? Moi souvent c'est genre j'envoie pas la bonne meuf, tu vois, genre je fixe un rendez-vous et en fait c'est pas la bonne meuf. Une fois je me suis pas rendu compte que je fixais un rendez-vous à deux meufs différentes en même temps. Ah et donc du coup elles sont arrivées toutes les deux au même endroit. Exactement. Mais oh là là. J'ai eu un tout petit peu de bol, c'est qu'en fait elles se sont, enfin j'ai rencontré la première et donc du coup je suis parti avec et la deuxième m'a envoyé un message en me disant mais t'es où, je t'attends à la gare. Ah mais j'ai un empêchement, je peux c'est pas ça. Être là. Et là je fais ouais je suis coincé et tout, j'arrive et donc du coup j'ai dû trouver une excuse pour lâcher la première et aller à la deuxième. Mais après, que ce soit la bonne, c'est la première. Ouais, mais c'est mieux parce qu'effectivement, si tu tombes sur la mauvaise, c'est emmerdant. Mais après, ça doit certainement arriver aussi, tu sais, aux mecs, tu sais, quand ils gèrent leur maîtresse ou même les meufs, hein, quand elles gèrent leurs autres mecs. Moi, c'est un truc pour lequel je pourrais pas, c'est parce que ça demande trop de gestion. Non mais c'est vrai. Il faut un assistant. Non franchement moi il me faudra un assistant pour tromper ma meuf parce que sinon c'est pas compliqué. J'arriverai pas. Déjà une j'arrive pas, mais alors deux ou trois ou plus encore je comprends pas. Mais il y en a ils adorent quoi. C'est leur occupation principale. Bah ouais, ouais, ouais, ah ouais ouais ouais. Il y a vraiment des gros bitos. Regarde. C'est son occupation principale Tof. Bah d'ailleurs c'est ça. Moi l'émission c'est un passe-temps. Bah voilà c'est ça. C'est un recrutement. Ah voilà. Ouais. C'est ça. Recrutement. Au moins t'es obligé de faire des conneries quoi. De quoi? Au bout d'un moment, t'es obligé de faire des conneries. Mais ouais, au bout d'un moment, tu fais des conneries, ça c'est sûr. Surtout maintenant, parce que encore à l'époque, ça allait. Tu sais, quand t'avais juste le téléphone. Maintenant, avec tous les réseaux sociaux, avec tous les check-in avec Foursquare et tout, c'est super compliqué de pas te faire avoir. Mais Facebook, ça a été ma perte. Ah bah ouais, c'était la fin d'une époque. Ah bah la fin. Je vous dis pas les micmacs qu'on fait nous les nanas hein, pour pister les mecs. Mais ouais. On fait des, parce que maintenant avec Facebook, tu peux mettre en vue par certains, par d'autres machin. Donc quand le mec il t'a mis une ancienne tu sais un ancien statut où il a fêté genre son anniversaire chez toi par exemple, ouais. Mais en fait il a une autre meuf, bah tu le mets en découvert. Ah, tu sais au début c'est privé, ouais. Une fois qu'il a bien commenté comme un con, Après, tu mets en vue par tout le monde. Ouais, d'accord, ok. Comme ça, sa nouvelle meuf, elle Ah, c'est bon, ça, je savais pas, mais quelle vicelarde. Ah non, mais on quelle vicieuse. Oh putain. Mais c'est énorme, on se tape des barres et on fait que des plans comme ça sur Facebook. Ah ouais, dites-nous, tiens aussi, comment est-ce que vous avez géré ça, genre sur Facebook. Parce qu'il y a aussi plein de gens qui mettent des photos, tu sais, après ils l'enlèvent, ils se rendent compte qu'ils ont fait une connerie. Et puis c'est la catastrophe, quoi. Mais c'est ça, c'est énorme. Mais et après, problème. Trop de trucs. Mais tu m'étonnes, ouais. Bon, bah très bien, mais Mathias, merci à toi d'être passé en tout cas. Ben ouais, je peux glisser un petit message. Eh ben, quel message? Une dédicace? Non, pour dire à tout le monde d'écouter La vie est belle de Mathieu Stone. D'accord, ben, le message est passé, hein, je passe tout le monde d'aller, les trains, et d'aller sur YouTube écouter Elle veut danser de Vida Loca. Voilà, c'est des trucs sur lesquels j'ai taffé. J'avais taffé aussi sur M Don Show, des jumeaux. Ah d'accord, ok, il est prod lui, ok, ouais, ok. J'ai une jeton. Ah, je sens, ouais, d'accord, ok. Massacène, massacène. Ouais, c'est ça, mais je vais toucher de l'argent. Non, non, mais c'est juste, non, mais c'est que pour le, c'est pour la beauté du travail, on a compris, t'inquiète pas. Voilà. Non, mais en tout cas, tu es fier de ce que tu as fait, tu as raison. C'est ça. Bon, ben, salut Mathias, et merci à toi d'être passé. Bonne soirée, et voilà, et à tout le monde, faites gaffe à ce que vous écrivez, parce que moi, là, moi, en ce moment, ça m'arrive tout ça. C'est clair, il faut se méfier. Salut Mathias, à bientôt. Salut. Allez, ciao à toi. Il y avait des messages qui sont arrivés aussi. Denis qui dit, ah, Mickaël, demande à Toff, il va donner des conseils pour gérer ton emploi du temps meuf. Non mais ça va, moi avec une seule ça me suffit, hein, t'inquiète pas, je n'ai pas besoin d'en avoir 10. Jimmy aussi qui dit la pire bourde c'est un SMS où je parlais d'un fantasme. Ah bah oui, c'est sûr que si tu l'envoies pas à la bonne personne, là ça peut très très vite poser un gros problème, effectivement. Bon, vos messages, vous mettez le hashtag Mickaël, pareil aussi sur le Facebook, facebook.com/Mickaël officiel. Venez, si vous n'êtes pas encore fan de la page de l'émission, bah venez, hein, tout simplement, il y a plein de trucs tout au long de la journée, et puis le soir vous pouvez discuter en direct avec nous gratuitement, donc facebook.com/MIKL officiel. On aura aussi, et on a d'ailleurs maintenant tout de suite, Aurélien qui est avec nous. Allô Aurélien. Salut Mickaël. Comment on va? Ça va et toi? Bah ça va tranquille, ça va plutôt bien Aurélien. Donc toi t'appelles pour la colle du jour. Ouais. Allez, musique de la colle du jour. Hop là, c'est parti. Bon, alors, le concept est très simple. Tu vas donc poser une colle. Si les auditeurs ont la bonne réponse, eh bien, tu vas leur permettre de repartir direction Ibiza avec bah, les entrées aussi, bien évidemment, pour la Fuck Me, I'm Famous. Et en plus de ça, on vous met la petite appareil photo, appareil numérique qui va bien. Bon, et si évidemment personne ne trouve Aurélien, c'est toi qui gagne tout ça. On y va, Aurélien? Alors. Alors, on y va, c'est parti. Quel est le point commun entre une moissonneuse batteuse et un radar automobile? Quel est le point commun entre une moissonneuse batteuse et un radar automobile, c'est ça? Ouais. Les deux enculés. Non. Pas ça. Ils sont au bord des routes. Bah tu non bah non, tu mets une moissonneuse batteuse au bord d'une route. Ah hein. Oui, les champs ils sont au bord de quoi? Non mais tu les restes pas au bord de la route. À la limite tu vas dessus puis après tu fais ta vie avec ta moissonneuse batteuse. Bon, ouais. répète la colle s'il te plaît Aurélien. Quel est le point commun entre une moissonneuse batteuse et un radar automobile? D'accord. Bon, bah, si vous avez la bonne réponse, hein, vous pouvez jouer. Alors, de manière ce soir, Facebook, facebook.com/Mickaël officiel. Je vais poster la colle là maintenant. Vous allez devoir répondre. Et puis, sinon, par SMS, ça fonctionne également. Hein, donc, 74 900, débutez le message par Mickaël. Ou alors, 30 44, débutez le message aussi par Mickaël. Ça, c'est pour la Belgique. Bon, allez, on y va. Quels sont donc les points communs entre une moissonneuse batteuse et un radar automobile? C'est bien ça? Ouais. Bon allez, parfait, si vous avez la bonne réponse, peut-être que vous irez direction Ibiza. Direction Ibiza, exactement, pour la Fuck Me, I'm Famous. Vous irez là-bas, évidemment, tout frais payé pour faire la teuf avec bah, vos potes et puis avec les auditeurs de Fun. Merci Aurélien. Ouais, à tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure Aurélien, ciao. Bon, ben bah, voilà, une bonne chose de faite. Et donc, bah, on prendra le gagnant tout à l'heure avant 21h. Restez bien sur Fun Radio. Côté son dance floor, là, bah, qu'est-ce qu'on va se taper là? Alors, j'ai Calvin Harris. Calvin Harris avec ça. Voilà, Thinking About You. Et puis sinon, j'ai Rodriguez aussi, celui-là, là. Voilà, si vous voulez l'un ou l'autre, bah, vous nous proposez tout simplement, vous nous dites. Et puis on le mettra tout à l'heure évidemment sur Fun Radio avant avant la fin d'émission sans problème. Et puis bah, plus proche de nous là, on va se faire maintenant le son de Slow Down Showtek. Ça vous parle? Je vous en avais parlé en début d'émission. Eh ben on va se le mettre maintenant sur Fun Radio. Là, c'est parti, le bon son de Showtek et Slow Down. Ça va vous préparer à Party Fun, ça qui arrivera tout à l'heure à 23h sur Fun. Showtech, ça peut vous préparer à aller direction Ibiza, ça à mon avis. Hein. Showtech avec Slowdown. Et pour terminer la teuf là, hop là, direction Ibiza, ça peut le faire énormément là. Pour aller à la soirée Fuck Me, I'm Famous. On vous envoie là-bas gratos pour aller faire la teuf avec les auditeurs de Fun. Ça peut être très très bon ça. Très très très très gros. Et puis surtout avec l'appareil photo que je vous file avec, appareil photo numérique. Histoire de prendre les photos souvenirs, hein, parce qu'à mon avis, je pense qu'il va y avoir des photos. Hein. Mais il va falloir les planquer. Une fois que vous aurez des saoulés, vous allez les regarder avant de les partager sur Facebook. On sait jamais. Hein. Ça peut mal se passer. C'est ça qui est bon, c'est de les mettre direct. Ouais, c'est ça. Tu réfléchis pas. Ou alors tu les regardez pas du tout, en fait. Ouais, hein. Ou les regardez pas du tout, effectivement, c'est une idée. Bon, il y a donc Aurélien qui est de retour. Là, Aurélien avec la colle du jour. Colle du jour qui va vous permettre donc de repartir direction Ibiza gratos avec aussi votre appareil numérique pour aller à la Fuck Me I'm Famous. La colle du jour, c'est laquelle, Aurélien? Répète-la, s'il te plaît. Allô? Attends, répète-la, on n'a pas entendu le début, Aurélien. Quel est le point commun entre une moissonneuse batteuse et un radar automobile? Voilà, quel est le point commun entre une moissonneuse batteuse et un radar automobile? Alors vous, avez deux possibilités pour répondre. Il y a le Facebook, vous allez tout simplement sur facebook.com/mikaelofficiel. J'ai mis la question sur le Facebook et puis vous répondez tout simplement. Et puis si vous n'avez pas internet là sous la main, vous pouvez le faire aussi direction les SMS. Vous envoyez simplement Mikael et la réponse au 74 900. Ça c'est pour la France et au 3044 pour la Belgique. Pareil aussi, vous débutez le message par Mikael. Donc je répète, donc quels sont les points communs? Donc quel est le point commun entre une moissonneuse batteuse et un radar automobile? C'est bien ça? Ouais. Bon, eh ben écoute, on va faire un point dans quelques instants, hein, d'accord? Ok. Allez, à tout de suite, Aurélien. À tout de suite, Mikael. Bon, parfait. On fait un point parmi les réponses dans quelques instants sur Fun Radio. Il y a Jimmy aussi qui vient d'envoyer son message. Tiens, la pire bourde, c'est un SMS. Je parlais d'un fantasme à ma copine et je l'ai envoyé à ma grand-mère. Ah, hey, la grand-mère, c'est fort. Parce que tu l'envoies directement à ta grand-mère, le truc, là. Surtout s'il est un peu violent. Bon, avec un peu de bol, ta grand-mère voit plus grand-chose, donc... Ah, mais c'est vrai. Lire. Du coup, elle verra... Ouais, c'est ça. Un bon son cet été, ça, le son de Showtech que tu viens de mettre, Brian. Ben, merci, Brian. Et puis, on a évidemment Yanis qui est avec nous. Yanis, allô, allô. Oui, je suis là. Comment ça va? Ben, ça va et toi? Ben, ça va. T'appelles pourquoi, Yanis? Pour réagir à propos des SMS. Ah, mais je pensais que t'avais envoyé un message pour réagir par rapport aux double voix. Non, pour les SMS. Bon, bah... oui, je sais, c'est pour rire, Yanis. Bon, alors Yanis, donc toi, t'as envoyé quoi comme SMS et à qui? En fait, tu vois, moi, je suis un accro au téléphone, j'envoie des 10 000 SMS par seconde. Ouais. Bien sûr. Et en fait, j'ai une prof, on a mis sur Facebook, ma prof d'histoire géo, donc Madame Dubois, mais je pense pas qu'elle écoute une radio, hein. Je pense plus qu'elle écoute... Bah, une autre radio, quoi. Ouais, voilà, elle dort. Hein. Ouais, oui, ou alors elle peut dormir, c'est possible aussi, ouais. Ouais, voilà, je l'en ai mis sur Facebook et elle a mis son numéro de téléphone. Et tu vois, sur iPhone, ça synchronise automatiquement les numéros et les contacts. Ouais. Et en fait, je parlais à un pote et je voulais lui dire, ouais, vas-y, elle est trop chiante, Madame Dubois, elle est relou avec ses devoirs et tout. Et en fait, je l'ai envoyé à elle. Et alors, elle a dit quoi? Parce que c'est pas le tout, tu sais, le cours. En fait, t'as le moment de flip au moment où t'envoies le message, t'es emmerdé. Ouais, avec la barre dans le ventre, là, tu sais, comme si t'avais un gros stress qui t'arrive. Mais la question, le plus important, c'est qu'est-ce qui s'est passé derrière? Bah, elle m'a renvoyé un message. Ouais. Elle m'a dit, Yanis, demain, 8h30 dans mon bureau. Ça, c'est bon, ça. La colle! Le lendemain, j'ai essayé de passer devant son bureau, bah non, elle m'a chopé, elle m'a filé 5 heures de colle. Mais c'est abusé, ah ouais, parce qu'elle a pas le droit, normalement. Ouais. C'est une erreur, déjà, d'une, et c'est hors école, quoi. Ouais, mais après, je sais pas. Ouais, mais elle peut pas laisser passer. Non mais c'est clair, surtout que tu lui as dit ça, tu sais, encore tu lui aurais dit oh je comprends rien son cours, enfin tu vois un truc bon bateau, elle aurait pu ne rien dire, mais là t'as quand même été enfin tu vois par rapport à une prof c'était ouais. Chaud quoi. T'imagines, elle dit rien, après tous les autres élèves ils lui envoient des trucs. Ouais, hein. Et surtout que tout t'inquiète ouais, pas que vrai. La prof elle sait très bien que lui va aller après se pavaner, hein. T'as vu ce que j'ai envoyé ouais. Comme message à l'autre, elle a rien dit là. Alors t'imagines, c'est qui le patron? Après, ce que j'ai fait, j'ai tout de suite bloqué tous mes profs de Facebook. Hop. Ah, c'est clair. T'as bien fait. Et il y a Miss Chachou aussi qui dit, j'ai envoyé un message à ma mère alors que je devais l'envoyer à une amie. Je lui racontais ma soirée et tout, que j'avais passé en boîte, que j'étais rentré chez moi bourré alors que la veille ma mère m'avait interdit d'y aller. Bref, je me suis grave fait engueuler. Ah bah oui, tu m'étonnes, Miss Chachou. Ouais. Hey, toujours vérifier à qui vous envoyez le message. Hein. Ou alors vous mettez, j'en sais rien moi, à la place de mettre maman, papa, enfin les gens qui vous écrivez des trucs mais qui doivent pas tout voir, vous mettez un autre nom. Ouais, comme ça, ça vous évite de, tu sais, quand tu penses à ta mère, t'es en train, ta mère, elle t'a énervé, t'es en train d'écrire ça à une copine, elle m'a fait chier, ma mère. Tu sais, t'auras pas tendance à l'envoyer à ta mère puisque tu sais que tu vas devoir taper, je sais pas moi, XYZ pour envoyer un message à ta mère, tu vois, ça permet d'éviter les erreurs. C'était une petite astuce. Oui. Voilà, Michel. C'est ça, là, le bon plan. Attends, il y a Fred aussi, qui est là. Salut Fred. Salut, ça va? Tranquille. Ça va et toi? Ouais, tranquille. Bon, t'appelles de Lyon, toi, le 69, ouais, 22 Lyon, ans, ouais. Fred. Sois le bienvenu sur Fun. T'appelles pourquoi? Ouais, en fait, j'avais envoyé quand j'avais 15 ans avec ma meuf, on s'écrivait des textos cochons, en fait, et ma belle-mère, j'avais mis ma mère, et du coup, je croyais que c'était une pote à moi, et tous les textos les plus hauts, je lui avais envoyé sur son téléphone, en fait. Merde! Ah ouais, c'est vrai qu'à l'époque, quand t'étais plus jeune, t'avais pas forcément le téléphone portable, du coup, tu donnais le numéro de ta mère ou de ton père en disant, écris-moi ou appelle-moi dessus, tu vois. Et du coup, il y avait des choses assez hardes, du coup, comme on était parti dans des bad trips, on avait 15 ans, et du coup, elle avait tout reçu derrière, des choses de fou. Et le pire, c'est que le lendemain, il y avait l'anniversaire de mon père, et du coup, elle débarquait le lendemain, quoi. Ça, c'est bon, ça. Du coup, elle a dit quoi, la belle-mère? Et du coup, après, en fait, elle a marché dans mon jeu de sort parce que du coup, j'avais pas repéré le numéro. Et du coup, le lendemain, après, elle m'a rien dit. Et, du coup, après, on s'est tous retrouvés coincés pendant le repas. Il y avait pas un mot de dit. Ah, la mauvaise ambiance, tu vois, dès le début. C'est trop chelou après quand ça arrive. Bah, tu m'étonnes, T'sais, imagine, donc, tu lui présentes ta copine et après, elle te ressort des vieux messages. Ah, non, mais le pire, c'est qu'après, à l'époque, elle a regardé les messages. Et elle a appelé pour savoir qui c'était, c'était ma belle-mère. Et elle a appelé. Oh là là. Moi, c'est pas mal. Du coup, elle a tout vu. Bon, Fred, bien, ça. J'ai un message des mignons pour toi, là. Ouais. Voilà, gros, tout simplement, je pense que tout est lié. Et je pense que c'est bien, bien résumé, là. Bah, merci, Fred, et merci à Yanis, en tout cas, d'être passés tous les deux. Pas de rien. Vous restez au standard, vous filez des capotes. Ça va? Salut à vous deux, à bientôt. Allez, ciao à vous, bye bye. Et dans un instant sur Fun Radio, on va se faire. Tiens Fred, tu veux écouter un son en particulier là dans un instant? Je l'avais proposé tout à l'heure. Stromae. Stromae, si tu veux, ouais, Stromae là, voilà, tiens, hop là. Il va arriver tout à l'heure le son de Stromae, je te le mets sans problème. Ouais, okay. Et sinon, j'avais aussi Calvin Harris en proposition là. Thinking About You. Et puis sinon, j'avais aussi Rodriguez, son latino là. Avec No Voy a Lorar. Ouais, bon, mais Rodriguez en premier. Rodriguez en premier, bah, très bien. Mais je te mets Stromae premier avant 23h, t'inquiète, d'accord? Allez. Bon, bah, salut, à bientôt, Fred. À bientôt, allez, ciao. Ciao, bye bye. Et puis, on aura aussi Mathieu dans un instant. Salut, Matt, t'es là? Ouais. Bon, on parle de quoi dans un instant avec toi? Mais en fait, il y a 2 mois, j'ai embrassé une autre meuf que la mienne. Ah, c'est con, ça se fait pas, ça, c'est mal. ouais, mais franchement, je suis pas fier et tout. Du coup, et elle a appris, et maintenant, tu vois, j'ai peur qu'elle se venge. Oui, bah c'est ce qui risque fortement d'arriver d'ailleurs. Bon, Mathieu, on en parle en détail dans un instant, d'accord? Voilà. À tout de suite, Mathieu. À tout de suite. Bon allez, si vous avez fait des conneries aussi avec votre copain, votre copine, là, vous balancez vos messages, on va à Mathieu dans un instant. Et si vous avez des conseils à lui donner, bah surtout balancez évidemment. N'hésitez pas bien sûr. On revient dans un instant sur Fun Radio avec comme promis le son de Rodriguez. Hein. Ce sera No Voy a Lorar. M'excuserai mon espagnol. Hein. Trop ouais, je sais. Ouais. Envoyez un SMS à Mickaël au 74 900. Tous les soirs. Fun Radio. 20h-23h. Nos limites. Nos limites. Mickaël. Sur Fun Radio. Exactement, depuis 20h sur Fun Radio jusqu'à 23h, Mickaël, No Limites sur Fun Radio, venez délirer avec nous, on est jusqu'à 23h donc, et bien tous vos messages évidemment arrivent, hein. Il y en a plein d'ailleurs qui sont arrivés notamment sur le Twitter, là, sur le hashtag Mickaël, le mec il a embrassé une autre nana, je connais déjà le conseil de Tof Polo, il faut nier, non ça c'est bon conseil ça, il faut nier. Non mais c'est le nôtre aussi, hein. Ah bah, aussi non, bon. Moi je dis faut être honnête. Et je vois, oh là, il y en a qui se foutent de la gueule du monde là. Oui. Moi je regarde toujours deux fois avant d'envoyer le message, Mickaël, bah tu fais bien Anaïs. Trop mortel, pauvre Yanis qui s'est gouré. Bah oui, tu m'étonnes. On continue à parler d'ailleurs des erreurs dans tous les messages. Je viens de mettre un post sur le Facebook. Si vous voulez vous aussi réagir par rapport à ça, n'hésitez pas à vous envoyer maintenant votre message tout simplement sur le Facebook, hein, facebook.com/MIKL officiel. Dans un instant, le retour d'Aurélien avec la colle de ce soir. Et puis on aura aussi Romain qui est avec nous. Salut Romain. Salut, comment ça va? Bah ça va, t'appelles pourquoi Romain? Bah écoute, j'appelle pour par rapport à ce que t'as dit en début d'émission, pour agir par rapport à ce qu'on aimerait changer sur notre corps en fait. Très bien, bon bah tu restes là, on va en parler dans un instant, tu restes là avec nous. Bon parfait Romain, et puis côté son sur Fun, c'est Rodriguez qu'on écoute tout de suite, on l'avait demandé là tout à l'heure, là, bon, on va se le mettre maintenant. No Voy a Lorar. Parce que je l'ai bien dit avec le R. C'était parfait. Voilà, si ou une espagnole nous écoute. Vas-y, redis-le encore une fois. Si elle peut me dire si je me suis gouré ou pas. Rodriguez avec Novoy Alorar. Oh, c'était beau. T'as vu un peu? Oh là là. Attends, je suis pas espagnol, hein, mais. Oh, c'était beau. Ouais, bah, arrête un peu ton cinéma là. Ah, du bon son, comme dirait d'ailleurs ce magnifique journaliste que nous avons découvert dimanche soir. Alors ici, c'est beaucoup de boom boom, de temps en temps un petit peu de tchic-tchac. Voilà, c'était du boom boom et du tchic-tchac. Je rappelle que le journaliste a commenté Tomorrowland en disant ça. Alors ici, c'est beaucoup de boom boom, de temps en temps un petit peu de tchic-tchac. Un truc à dire. Mickaël, appelez Mickaël. Nos limites, 01 42 48 5000. Voilà, depuis 20h jusqu'à 23h, Mickaël, nos limites sur Fun Radio. C'est depuis la semaine dernière et on est ensemble pendant tout l'été. Hein. Venez délirer avec nous, où que vous soyez en vacances. Vous êtes peut-être pas en vacances, vous êtes chez vous, bah c'est pas grave. Vous êtes même au boulot peut-être. Vous êtes quand même les bienvenus. Vous nous envoyez maintenant votre message. Direction donc le SMS 74 900 pour la France par exemple. Débutez le message par Mickaël. Ou alors 30 44 pour la Belgique. Et vous débutez également le message par M-I-K-L. On va accueillir Mathieu là maintenant. T'es là, Mathieu? Ouais. Bon, bah, sois le bienvenu, Mathieu, 18 ans. Toi, t'appelles des Hautes-Alpes, c'est ça? C'est ça. Parfait, le 05. Bon, alors, Mathieu, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi tout. Mais en fait, il y a 2 mois, j'ai embrassé une autre meuf que la mienne. Ouais. Et ça fait bientôt 2 ans qu'on est ensemble. Et elle a appris, en fait. Donc après, je lui ai tout avoué et tout. Ouais, mais embrasser, bon, embrasser, c'est-à-dire genre un bisou, t'as mis la langue, il s'est passé quoi? Ouais, j'ai un peu mis la langue, ouais. Oh, ouais, c'est dit mais un peu, ça compte pas. Bah, si, non. Un peu, mais un bon. Peu, ça veut rien dire, hein. Soit tu l'as galoché, soit tu l'as pas galoché. Ouais, c'est ça. Compte pas, le mec ça compte. Mais pas. Ça compte pas, galoché, ça compte pas. Mais non. Si, alors, ça peut être un peu dans le sens où si lui a mis la langue, mais qu'elle n'a pas voulu. Voilà. Alors, mais du coup, c'est pire, un peu. Il s'est pris un râteau. Là, il s'est pris un râteau, effectivement. Bon, et donc, quoi, soit, peu importe, au final, c'est pas ça le problème. La suite, qu'est-ce qui s'est passé? Donc elle a découvert, je lui ai avoué et tout. Ouais. On s'est remis ensemble. Mm-hmm. Et maintenant, j'ai un peu peur qu'elle se venge, tu vois. Mais déjà, pourquoi tu l'as avoué? Mais parce qu'elle l'avait découvert, en fait. Ah bon, là, ouais. Oui, c'est... Ouais, là, ouais. Non, parce que sinon, je reste sur une théorie. Après, il y en a qui vont me dire que c'est nul, etc. Mais genre, il y a un moment quand vous avez fait une connerie. Ah voilà, c'est fait. Maintenant il faut le vivre, faudra vivre avec. Mais ça sert à rien de dire bon, je vais lui dire comme ça j'aurai la comme ça je serai tranquille, j'aurai je serai libéré, la conscience tranquille. Ben non, parce qu'au final tu vas le dire à ta meuf ou à ton mec, peu importe. Au final elle va être triste parce que au final tu te seras foutu de lui ou d'elle et puis elle aura plus confiance et au final c'est elle qui va être mal. Alors que si tu te tais, tu vis avec, tant pis, t'as fait une connerie. Bon, à partir du moment où t'es sûr de plus recommencer, parce que tu sais que t'as fait une connerie, hein. Si c'est pour aller la retromper 3 jours après, bon, ça sert à rien. En même temps, quand c'est comme ça, tu t'as pas vraiment envie non plus d'aller soulager ta conscience, mais voilà. Donc, ne dites rien, ne jamais avouer. C'est-à-dire, si vous faites griller avec une autre meuf dans le lit de quelqu'un d'autre, je garde ça de notre grand sage, un ancien webmaster que nous avions, même si, voilà, votre copine ouvre la porte, vous êtes avec une autre meuf, même limite dans une autre meuf, vous dites, mais c'est pas moi. C'est pas moi. Je ne vois pas, pas de quoi tu parles. Ça, c'est écoute, pourquoi tu t'énerves? Je ne comprends pas. Voilà. Bon, ça c'est un conseil. Après, ouais. Vous l'utilisez ou pas. Bon, comme vous voulez. Hein. Cependant, si vous l'utilisez, dites-moi si ça marche. Je n'ai jamais eu l'occasion de tester. Ouais. Utilisez-le. Dites-moi si ça marche. Dites-moi si ça fonctionne. Ça marche pas très bien. Contrairement à t'étonner, tiens, effectivement. Toi, ça t'est déjà arrivé? De bien sûr, de se faire griller. De me faire griller, oui, dans la meuf, non, mais de me faire griller, ouais, oui. Ouais, c'est ça. Raconte. Bon. Bah, j'en ai plein des exemples. Au pieux, griller au pieux, ça m'est jamais arrivé. Ah. Mais ça va pas tarder. Ouais. C'est bizarre que ça t'ait jamais encore arrivé. Ça lui pend au nez, ça. Mais par contre, ouais, ce qui m'est arrivé, c'est que genre, j'étais en rencard avec une meuf, et en fait, il y a l'autre qui m'appelle, parce que j'avais zappé qu'on devait se voir, et donc, du coup, je me suis retrouvé avec les deux à la même table, quoi. Donc, il y en a une qui savait, mais l'autre qui savait pas. Exactement. Bon, et Mathieu, donc du coup, toi tu lui as avoué et t'as peur qu'elle se venge, mais du coup, en même temps, elle va pas se venger énormément, qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? Ben, je sais pas, maintenant elle pourrait aller voir ailleurs ou quoi, tu vois. Mais bon, parce qu'en plus, elle a déménagé, maintenant elle habite à 300 km de chez moi. Ah ouais, ça c'est plus emmerdant par contre, ouais. Mais non, mais écoute, tu sais, si elle tient à toi, voilà. Mais pourquoi t'as embrassé l'autre meuf? Je comprends pas déjà. Manque affectif, sa meuf elle est loin. L'autre elle est en train de défendre le mec. Alors là c'est le monde à l'envers. Mais non, pas du, bah ça peut arriver aux filles aussi hein, c'est pas que Mais manque affectif. Mais oui, mais une galoche ça compte pas. Mais non, mais aussi, c'est vrai, le manque affectif des fois tu fais un peu n'importe quoi, ça peut voilà, tu peux te pécho même un mec voilà, qui voulait pas à la base. Voilà, donc message pour le mec de Sandro. Mais pas du tout. Ah. Voilà, manque affectif, tu comprends, c'est une excuse. Elle cherche une excuse pour avoir couché avec Toff. Hop, maintenant moi ça y est, c'est fait. Elle a une excuse toute prise. Elle balance pas des vieilles rumeurs pourries, toi. Je balance pas des rumeurs pourries. Bon, et Mathieu, est-ce que t'en as déjà parlé avec elle pour voir si elle t'en veut, si elle t'en veut pas, si tu vois? Ben ouais, en fait, parce que avant qu'elle déménage, on se voyait tous les jours, tu vois. Ouais. Et elle balance, tu vois, des petites piques, elle me rappelle un peu tout le temps ce que j'ai fait et tout. Ah mais ça, ah, tu vas le prendre pire, jusqu'au bout, hein. Mais ça c'est sûr, hein, t'as fait une connerie. Et si tu l'épouses, eh ben jusqu'à la fin de ta vie, mec, elle va te le sortir. Ah oui. Mais moi, à l'époque, je n'ai pas embrassé un autre mec. Ah, à 90 piges, elle va te le sortir. Ah mais bien sûr, elle va te le sortir jusqu'à la fin de ta vie, Mathieu. Là, il faudra vivre avec maintenant. Hein. Et même à chaque fois, même quand elle sera de mauvaise humeur, hein, t'auras rien fait. Exactement. Il y a plus que ça qu'à faire, exactement. Tiens, il y a un message qui dit Denis qui dit Mickaël, il n'y a pas à dire, Toff en technique de drague, c'est mon modèle. Oui, bah dis donc, quel modèle. Je te remercie. Tu parles n'importe quoi. Moi, je vais ouvrir mon école. C'est ça, la Toff Academy. N'importe quoi, alors. Bon, il y a Chris aussi qui dit Mickaël, c'est pas moi, mort de rire, ça peut toujours marcher si elle est myope à tester. Bah ouais, c'est ça, tester, vous le dites après. Hein. Moi, j'envoie souvent des SMS océaniquement par erreur où il y a marqué je t'adore alors qu'en fait je la hais. C'est Demis au 67 qui avait envoyé le message. Heureusement que Mickaël et toute son équipe sont là après une sale journée passée. C'est Marie qui avait envoyé le message. Ben merci. Puis après il y a courage, The Puissance Marie, aussi qui dit si tu as besoin je suis là. Bah super. C'est The Puissance aussi qui dit magnifique l'accent espagnol. Ah bah tu vois. Et bien essayé hein. Rodriguez avec No voy a llorar. Non mais t'en fais trop hein. J'arrête pas de le dire, c'est parfait. Ouais. Mais oui, t'as raison. C'était magnifique. Voilà encore un message qui est arrivé, un message de Deline qui dit t'as oublié le R mais c'est bon. Muy bien. Eh ben très bien. Merci Chris aussi qui dit quel accent espagnol magnifico. Eh ben merci Chris. Bon, retour avec Mathieu. Bon, écoute, l'idéal, ce serait peut-être de lui en parler tout simplement, de lui dire voilà, écoute, bon, c'est vrai que j'ai fait une connerie voilà, on va pas en parler sans s'étendre, tu vois, c'est pas comme si t'avais couché avec elle. Ou que t'avais une relation de plusieurs semaines avec elle, enfin tu vois. Ouais, mais voilà, mais en fait, maintenant qu'elle est loin, je suis un petit peu plus en flip, tu vois. Et juste, elle a déménagé, je peux la voir qu'une seule fois dans l'été, et la seule fois où je peux la voir, ben, tu vois, il y a deux jours, sa sœur, elle a appelé Fun le matin avec le morning bank soir. Ouais. Et elle a gagné deux passes VIP pour aller sur le Xbox Horizon, tu vois. Ouh, ça pue la merde, hein. Enfin, c'est très bien pour elle, mais par rapport à toi, voilà, je veux dire. C'est cool, tiens, mais moi, du coup, je sais même pas si je vais y aller, du coup, parce que vu que le week-end où je vais la voir, elle va sur le Xbox, ça sert à rien, quoi. Ah bah, non, mais surtout sur le Xbox, il va y avoir des purs mecs, déjà, j'y serai, normalement, hein, parce qu'on m'a demandé de venir pour montrer mes abdos. Ah oui, d'accord. Alors, je serai sur le pont. On fera des photos des abdos. Tu as mal compris, je crois. Je comprends pas si je dis, écoute, pas de problème. J'ai dit que je faisais ça gratuitement en échange de deux, trois petits hacks. Elle s'appelle comment ta copine, Mathieu? Elle s'appelle Oran. Voilà, tu pourras aller voir Oran, Mickaël. Bien sûr, exactement, avec mes abdos et je serai là, je serrerai les abdos pour qu'elle puisse, regarder. Oui, se venger, évidemment, Mathieu. Si c'est avec moi, c'est pas grave. Ouais, non, mais. Je... Ah, il est un peu dans la merde. Oui ou non? Qu'est-ce que je sais pas quoi dire? Non, sérieusement, j'ai bien des abdos, mais j'ai pas le temps d'aller au Axobot, ouais. Malheureusement. Mais c'est... Et puis ça sera qu'une galoche, ça compte pas une galoche, on a Ouais, voilà, c'est ça, tu vois, hein, toi-même tu dis que ça compte pas. Ben non, moi j'ai pas dit que ça comptait pas. Hein. Ça, ah ouais, mais tu l'as fait. Franchement, moi je serais à la place de ta copine. Hein. Je prendrais un mec, même un pote, hein, juste pour te foutre la rage, devant ta tronche, paf, une grosse galoche. Voilà, hop, ouais. balle au centre, un partout. T'es sadique, Mickaël, hein. Bah non, écoute, il l'a fait, il l'a fait aujourd'hui, il flippe qu'elle aille voir ailleurs. Bah ouais, mec, Qui flippe, c'est ça sa punition. Bah voilà, c'est ça. T'es puni, Mathieu, bien fait. Bah ouais, exactement. En même temps, tu es. Je suis pas fier de l'avoir fait, donc ça excuse pas. Hein, mais... Bah non, je sais bien, mais bon, bah dites-nous les filles, tiens, comment est-ce que vous réagiriez si jamais ça vous arrivait ou si jamais ça vous était déjà arrivé justement par rapport à l'histoire de Mathieu là, 01 42 48 5000, ou que vous soyez en France, vous composez le numéro et puis bah ça décroche. Il y a Sandra qui est au téléphone et puis il y a aussi le 02 851 4x0, ça c'est pour la Belgique. Mathieu, tu restes avec nous le temps qu'on ait des avis de filles. Ça va. Bon, bouge pas de là, Mathieu. Et puis on va récupérer Aurélien maintenant, tiens. Aurélien qui est là donc qui va peut-être vous faire partir direction Ibiza pour assister à la grosse soirée évidemment, enfin aux grosses soirées, la Fuck Me I'm Famous. Et en plus de ça, je vous offre l'appareil photo numérique qui va bien histoire de prendre les souvenirs. Aurélien toujours là? Ouais, nickel. Ouais, bon alors quels sont les rappelle plutôt la colle du jour. Quel est le point commun entre une moissonneuse-batteuse et un radar automobile? Bon, il y en a plein des messages qui sont arrivés, notamment par SMS ou même sur le Facebook, là, puisque vous pouvez jouer sur les deux. Les deux t'empêchent de rouler, pas faux. Non. Non. Les deux te fauchent. Non. Les deux te pompent. Ah ouais, c'est pas mal ça, pompe. J'aime bien celle-là. Non. Non. Les deux te plument. Non. Bon, je sais pas, tout terrain. On parlera pas. Non. Le radar, il n'est pas tout terrain. La moissonneuse fait des ballots et le radar fait des quoi? Non, ah, les radars, c'est ballots, pardon. Non. Non, alors les deux font vivre les poulets. Non. Non, bon, bah très bien. Bon, répète encore un coup, on donne la réponse dans moins de 5 minutes. Quel est le point commun entre une moissonneuse-batteuse et un radar automobile? Voilà, j'ai mis la question, la colle du jour, je l'ai mise sur le Facebook. Vous pouvez aller voir facebook.com/michaelofficiel si vous voulez tenter de partir direction Ibiza pour aller faire la teuf là-bas avec plein d'auditeurs de fun. Et puis en plus de ça, évidemment, vous pouvez jouer si vous souhaitez. Ça se passe par SMS. Vous envoyez Michael au 74 900 avec la réponse et vous envoyez, donc ça c'est pour la France, et Michael au 3044 pour la Belgique. Bon, ben Aurélien, à tout de suite. À tout de suite. Avec peut-être un gagnant aussi dans un instant, va savoir. En attendant, on accueille Romain qui est avec nous. Allô Romain. Ouais, bonjour, comment ça va? Eh ben rebonjour Romain. Bah ça va, oh, ça va toujours bien pour l'instant. Toi tu voulais réagir à la chirurgie toi. Je t'ai tombé sur une info tout à l'heure par rapport à la chirurgie chez les mecs et donc je vous avais demandé si vous changeriez quelque chose sur votre corps, les mecs et les filles d'ailleurs hein. Et donc toi Romain, 28 ans, d'Indre-et-Loire, tu changerais quoi toi? Ouais, moi je changerais plutôt mes poils, tu vois, parce que pourquoi j'ai trop de poils et du coup, bah ouais, ça plaît pas trop aux femmes. Bah ça dépend, il y en a qui adorent, hein. Il y en a qui aiment parce que ça fait viril. Ah ouais, ouais, mais bon, pour l'instant, c'est pas ça quoi. Ah t'es pas tombé sur celle-là quoi? Ah non, mais hein? Si, je suis tombé sur une bonne, mais, heureusement, mais quand même, les poils c'est quand même un sacré inconvénient quoi. Bah dis ça aux filles, hein, elles doivent se faire chier et s'épiler tout le temps, les jambes, elles doivent s'épiler, enfin rien que les jambes déjà c'est une tanasse, hein, c'est-à-dire que le maillot, tout ça, et puis tu vois, elles c'est tout le temps, tu vois, à la limite toi tu peux te dire bon je m'en fous, je vais laisser, c'est pas dramatique dans l'absolu, mais t'as une meuf qui arrive avec des poils, comment t'expliquer que c'est un petit peu tu l'amour? Ouais c'est clair. Ouais, en même clair, totalement ouais. Tu l'amour. Ah, c'est carrément. Hein. Bah ouais, carrément. Et t'as des poils où ça, toi? Genre, quand t'as une chemise, t'as tout qui sort par-dessus, c'est ça? Ah bah oui, oui, moi ça sort de partout. Et est-ce que t'en as aussi sur le dos? Ça, c'est le pire, je pense, le dos. Non, pas encore, pas encore. Ah, bon, ça quoi, ça va arriver? Ouais, peut-être. Peut-être. Oh, merde. Ça, la puberté. Ah putain, la galère. Ah ouais, là, c'est galère. Ah, pour le coup, vraiment, ouais. Bon, et genre au niveau des jambes, tout ça aussi, c'est galère? Ah bah oui, oui, c'est bien fort. Bon, tu seras jamais cycliste, quoi. Ah non non c'est clair. Ah non ça c'est sûr. Enfin si tu veux après on peut se faire une petite épilation hein, un petit peu de cire et puis on tire un coup et puis y en a plus. Hein. C'est ça pourquoi tu fais pas les épilations? Ouais non parce qu'après ça repousse mal tout ça c'est encore au pire. Laser. Bah au laser ouais c'est ça tu fais au laser après t'es tranquille pendant quelques mois et puis voilà. Ouais mais le laser ça coûte quand même assez cher. Bah, oui. Ah bah oui mais il faut faire plaisir à ta copine à maman Romain. Hein. Ouais, ouais, c'est clair, mais bon, on verra quand ça sera un peu moins cher, quoi. Oui, voilà, oui. Oui, oui, mais à mon avis, ça va diminuer à un moment ou à l'autre, hein. Non, en fait, j'avais lancé l'info tout à l'heure parce que c'était une info sur laquelle j'étais tombé, c'était tout à l'heure, effectivement, c'était cet après-midi. Et donc, c'est une info beauté. Alors, un conseil pour vous soigner la peau. Alors, c'est un produit miracle qui soigne les brûlures, qui élimine les peaux mortes, qui hydrate. Enfin, c'est le produit révolutionnaire. Mm-hmm. Vous voulez connaître le produit, j'imagine? Bah oui. Ouais, ouais. Ça va bien, là, hein? Ouais. Hein, t'aimerais bien. À ton avis, c'est quoi le produit? T'as une idée? Non, pas du tout. Bah, attends, je vais demander aussi à Aurélien. Aurélien, à ton avis, c'est quoi l'idée dont le produit dont je parle là? T'as une idée là du produit révolutionnaire qui enlève les, qui soigne les brûlures, élimine les peaux mortes, hydrate la peau, etc. La crème solaire, non? La crème solaire, c'est une idée, non? Mais c'est pas ça. Attends, ah, Florian. C'est pas mal, ouais. Florian, une idée de ce dont je suis en train de parler là? Florian? Oui. Oui, t'as une idée du produit dont je suis en train de parler, à ton avis, c'est quel produit qui soigne les brûlures et tout ça, élimine les peaux mortes, hydrate, non? Non. Non, non, non. Eh ben voilà. Vous ne savez pas. Eh bien, je vais vous apprendre une chose. Eh bien, c'est la bave d'escargot. Mmh, eh oui, de la bonne bave d'escargot. Mmh. Oui, de la bave d'escargot. C'est ah oui, c'est dégueulasse, effectivement. Ah oui, vraiment, alors qui s'en mettrait? Alors qui va tester? Sandro, tu testes? J'ai pas suivi, non. Mais non, si, non, justement, dis-moi. Je sais pas de quoi tu parles. Mais dis oui, alors n'aie pas je peur. Connais. Dis oui. Toi aussi, t'as des problèmes de peau, non? C'est des peaux mortes. Oui, mais j'ai un traitement. Je t'es suis pas assez hydraté. Ouais, mais j'ai un traitement spécifique. Mais on a justement un nouveau traitement, la révolutionnaire. Ah non, je ne peux pas toucher mon visage. Si, c'est révolutionnaire. Révolutionnaire de chez révolutionnaire. Attends, même la NASA, ils en parlent. Ah, ouais, c'est ça. Ouais. Tellement c'est révolutionnaire. C'est vrai, Tof. Bah ouais, t'as des problèmes de peau, toi, en plus. Ouais, c'est vrai. Et Polo, tu veux pas essayer, toi? Pas sur le visage. Mais sur ton crâne blessé, peut-être que ça va. Ah oui, ça va peut-être réparer, là. Tof, c'est mieux parce que Tof, il a la lèpre. Bah, oui. C'est quoi? Faisons un vote. Tiens, à vous de jouer maintenant. Vous mettez le hashtag Mickaël et puis vous voulez. Demain, on essaiera. Tu crois, on peut trouver c'est des escargots facilement? Ah, des escargots. Bien sûr. C'est la bave d'escargots. Bon, on va se démerder. On va appeler Escargot Express et puis ils vont nous livrer en 30 minutes. On sera livré, exactement. Escargot Express. Bon, dites-nous, vous mettez le hashtag Mickaël sur le Facebook et sur le Twitter et vous mettez si c'est demain Sandro. Sandro ou Tof qui doit tester la bave d'escargot. Et Polo, tu le mets. Et toi? Non, parce qu'il est blessé. Voilà. Et toi? Parce que tu sais qu'il est blessé. Moi, je peux pas. Moi, j'anime. Et tu vois ta méchanceté? Bah, tu vas la payer cette méchanceté. Mais quelle méchanceté? Exactement. La balance. Lui. Exactement. Tu, ouais. Tu voulais dire, tu Romain? Pardon, Mickaël. Je voulais savoir, j'ai un copain là qui a un petit psoriasisme sur l'ensemble du corps. Hein, je voulais savoir si ta bave d'escargot pouvait éventuellement atténuer ce genre de problème. Je sais pas, mais on va tester demain en tout cas. De quoi? On va tester demain sur Tof déjà, sur Tof ou Sandro, à voir. Et puis on essaiera de se renseigner plus en détail pour voir si ça peut aider. Mais sinon, vous venez dans le studio et puis on essaiera, hein, nous, il n'y a pas de problème, Romain. Ouais, parce que du coup il a plein de plaques blanches et même sur tu vois ce que je veux dire. Ça fait un peu zèbre quoi, il aimerait bien changer un peu quoi. J'imagine. Mais quand il se dessape, ça fait un peu peur à ses copines quoi. Écoute, Victoria Beckham qui mettait de la crème à base d'escargot sur le visage. Tu vois, tu seras comme Beckham demain, comme Victoria Beckham. Peut-être. D'accord, mettez-moi des escargots voilà, sur donc, la tronche. Hashtag et Mickaël, vous mettez Tof ou alors Sandra, enfin Sandro, les deux, peu importe. Lequel des deux doit tester la bave d'escargot demain? Ok, je vais noter tous vos prénoms. Il y en a pas un qui passera pour les jeux. Pour arrête ton cinéma, quoi. Tu vas rien faire préviens, du tout. Vous c'est ça. Tof. Voilà, hashtag et Mickaël et puis vous mettez donc Tof ou Sandro sur Twitter là pour savoir lequel des deux va tester la bave d'escargot demain. Merci. C'est bon, Escargot Hut va nous livrer. Parfait. Bah c'est nickel alors. Bon, Romain, merci à toi d'être passé. Tu reviens quand tu veux. Ouais, de rien. Ouais, y a pas de souci. Par contre, je voulais réagir si c'est possible par rapport à la colle du jour. On va prendre on va prendre le ou la gagnante. Alors par contre, si tu as la bonne réponse, tu gagneras pas. Il faut passer par le bon billet évidemment et tirer au sort. Ah bah oui, évidemment. Bon, je vais peut-être aider les auditeurs. Parce qu'on les voit mieux la nuit, non? Pas c'est parce qu'on les voit mieux la nuit. Ouais, peut-être. Peut-être. Bah en fait non, tu vois, t'as pas de regret, c'était pas la bonne réponse. Bon, bah tant pis. Voilà, d'ailleurs, j'ai un message des mignons pour toi là. Voilà. Bon. Salut Romain. Bonne soirée, Mickaël. À bientôt, Romain. Merci de passer sur Fun Radio. Allez, 20h-23h, c'est Mickaël No Limites sur Fun Radio. On est ensemble. Venez délirer avec nous. On est là jusqu'à 23h, donc on a encore largement le temps de se marrer ce soir. Et puis on va se mettre du son dans un instant. Je vous cale Calvin Harris, Thinking About You. Allez, ça va arriver dans un instant sur Fun. Un truc à dire. Mickaël. Appelez Mickaël. No Limit. Fun. 01 42 48 5000. Mickaël. Attendez la suite. Mickaël No Limit. C'est tous les soirs sur Fun Radio. Exactement, ouais. 20h-23h, on est en direct sur Fun Radio. Message aussi qui est arrivé, il y a Romain qui dit: vous vous rendez pas compte de la chance que vous avez, la bave d'escargot, mort de rire. Bah oui, ça, ils s'en rendent pas compte, je comprends pas. Je m'en rends bien compte et tout, je vais avoir une peau tellement douce après. Mais ouais, bien. Et Clara qui dit: Tof, on change pas une équipe qui gagne, hein, évidemment, je vote pour Tof. Il y a Ju aussi sur Twitter qui dit: Sandro, car chacun son tour, Tof a déjà eu la teinture. Merci! Pas faux. Y a quoi aussi? Dylan qui dit: Sandro pour moi, car elle est vilaine. Y a quoi aussi? Ben qui dit: Sandro doit payer comme elle ne t'écoute pas. C'est vrai, effectivement, je pense que tu as bien raison. Et alors Benjamin qui dit: la bave d'escargot, Je pensais qu'il allait claquer le sperme d'escargot. Ah non, non, non, non, non, non, non, c'est la bave d'escargot, c'est bien bave. Évidemment. Il y a ouais, peine hermaphrodite, il fait tout seul, donc il en a pas. C'est vrai aussi, effectivement. Bon, bah voilà, donc vous balancez vos messages. Demain, on va faire une petite. On est tombé sur une info là, comme quoi la bave d'escargot pouvait aider soigner les brûlures, éliminer les peaux mortes, hydrater la peau, etc. Bref, un truc super tendance. On va tester ça demain, justement. Donc, votez, vous mettez le hashtag Mickaël sur Facebook et Twitter. Et à votre avis, qui doit tester la bave d'escargot demain en direct dans l'émission? Est-ce que c'est Toff? Est-ce que c'est Sandro? À vous de balancer vos messages, évidemment. Bon, on aura Aurélien dans un instant, on aura Laurent également. Salut Laurent, tu vas bien? Salut, salut. Bon, t'appelles pour quoi toi, Laurent? J'appelle pour celui qui a lancé le sujet, là, qui l'a trompé sa femme. Là. D'accord, on en parle dans un instant, Laurent. Et toi, à ton avis, c'est qui doit tester la bave d'escargot? Est-ce que c'est Toff? Est-ce que c'est Sandro? Ah bah galanterie oblige hein. Ah ça c'est un homme. Un vrai mal au téléphone. Donc tu votes Sandro? Non. Ah d'accord, donc toi ça va, t'es gentil quoi, très bien. Bon, Laurent. Merci beaucoup Laurent. Tu restes avec nous, on te reprend dans un instant, on reprend Florian, on reprend Mathieu. Et vous toutes et vous tous également depuis 20h, on est en direct sur Fun Radio, c'est Mickaël No Limit. Et on écoute maintenant le son de Calvin Harris. Calvin Harris avec Thinking About You. Ça se passe sur Facebook, hein, facebook.com/mickaëlofficiel. Allez, j'ai besoin de vous dans un instant sur Fun. Prenez le contrôle, appelez le 01 42 48 5000. Et justement, quand on vous dit de prendre le contrôle, c'est qu'il y a une raison, puisque il va falloir me choisir là, les sons de la prochaine heure. Il y a Axwell. Axwell en préparation avec Center of the Universe. Et puis avant 22h aussi, j'ai prévu peut-être le son de Major Lazer. Voilà, Axwell ou Major Lazer, vous préférez lequel? Bon ben à vous de nous dire, hein. Vous envoyez simplement le hashtag Mickaël sur Twitter ou alors sur Facebook, facebook.com/MIKL officiel, Major Lazer, Axwell, c'est les deux sons que je vous propose tout à l'heure avant 22h sur Fun Radio, donc on attend vos avis évidemment avec impatience, à vous de jouer. Bon, et puis en parlant de jouer justement, tiens, on va jouer maintenant. Et c'est avec Aurélien qui est là, tiens, on va peut-être envoyer quelqu'un direction Ibiza grâce à toi Aurélien, ça peut être sympa ça. Bon, peut-être pour toi, je sais pas, mais... En tout cas, on va envoyer quelqu'un, ça c'est sûr. Bon alors, Aurélien, tu es toujours là? Ouais. Très bien. Alors, répète la colle du jour, s'il te plaît. Quel est le point commun entre une moissonneuse batteuse et un radar automobile? Automobile, enfin automatique, c'est pareil. Bon, on y va, on appelle le ou la gagnante. Enfin, en tout cas, quelqu'un qu'on a tiré au sort parmi les réponses qui sont arrivées sur le Facebook et sur les SMS. On y va, si la personne qu'on appelle maintenant décroche et a la bonne réponse, ce sera gagné pour elle. Caméra numérique. Allô, bonjour. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Leslie. Très bien, Leslie. Est-ce que tu as la réponse à la question que Aurélien va te reposer maintenant, la colle du jour? Quel est le point commun entre une moissonneuse batteuse et un radar automobile? Alors, Leslie? C'est que tous les deux ramassent du blé. Aurélien? Ouais, c'est ça. C'est une bonne réponse. Ouais. Bravo Leslie, la caméra numérique elle est pour toi. Et puis jeudi on fait le tirage au sort parmi les 5 gagnants de la semaine. Et peut-être que tu iras direction Ibiza hein. T'as déjà été à Ibiza? Non jamais. Eh ben, ce sera l'occasion. Tu iras avec qui si tu gagnes? Avec une amie, très bien, entre filles, ça va être pas mal ça aussi. Tout à bon. Fait. Et ben voilà, ben, Aurélien, grâce à Leslie, tu n'as rien gagné puisqu'elle a trouvé la bonne réponse. Dommage. Oui. Comment elle s'appelle ta copine derrière Leslie? Aline, très bien. Allez, vive Aline! Voilà. Au moins, elle aura eu la réponse. Allez, bah, gros bisous, Leslie. Et puis, gros bisous à tout le monde et merci encore. Hein. Eh bah, je t'en prie, Leslie. Oui, Aurélien, tu voulais dire quoi? Est-ce possible d'avoir une petite compile, s'il te plaît? Oui, on va te filer une compile quand même, une compile Starflore, Aurélien, y a pas de problème. Merci. Salut, salut, à bientôt. Ouais, salut, à bientôt. Ah, Leslie, bouge pas trop vite, là. Est-ce que demain, on va faire le. T'as entendu le truc avec les escargots, là, la bave d'escargots? Oui. Ouais, alors, t'as envie d'essayer, toi? Non. Bah, t'as déjà essayé ou pas, toi, Leslie? Ouais. Ah, t'as déjà essayé, c'est bon ça. Alors, oui. Ça marche ou pas? Franchement, ouais. Ah ouais. Donc, alors, qui doit essayer, Sandro ou Toff? On va mettre Sandro. On va mettre Sandro, très bien. Les auditeurs votent, les auditrices, c'est cool. Bon, bah, continuez à voter hein, sur le Facebook et sur le Twitter. Vous mettez le hashtag et Mickaël. Et puis, demain, on verra pour qui vous aurez voté, pour toi ou pour Sandro, pour tester la bave d'escargot. Et t'as testé ça pourquoi en fait? Genre, t'as des problèmes de peau, t'as essayé, t'avais tout essayé, et puis finalement, il y a que celui-là. Ouais, finalement, ma mère m'a dit, vas-y, il y a un nouveau truc qui est sorti en Espagne et tout, ça fait fureur. Et c'était par rapport à des problèmes de peau, et franchement, ça marche nickel. Ah, même ouais. Pour les vergetures, pour les femmes enceintes, c'est nickel. Ah, pour les vergetures aussi? Ah, c'est bon à savoir, ça, très bien. Bon, ben bah, merci Leslie. Merci à vous, et bah, gros bisous à Fun Radio. Eh bah, ben écoute, Fun Radio te fait un gros bisou, et nous aussi d'ailleurs, accessoirement. Super. Salut. Salut. Un très très gros. Ouais, j'imagine, ouais. Avec la langue. C'est ça. Allez, au revoir. Au revoir Leslie, je t'embrasse. Bonne soirée, reste fidèle à la Fun. Bonnes vacances. Bonne soirée, bonnes vacances. Ciao, bye bye. Salut. Retour dans un instant avec Mathieu qui embrassait une autre meuf, sa meuf la sud. Donc aujourd'hui, ils sont pas séparés, mais en tout cas, ils habitent à deux endroits différents et donc du coup, elle a peur, il a peur pardon qu'elle refasse qu'elle fasse pareil que lui. On aura Laurent qui voulait réagir également, on aura Marie-Hélène qui voulait réagir à la chirurgie et puis il y a Florian qui est avec nous maintenant. Salut Flo. Salut. Salut Flo. Bon alors Flo, toi tu nous appelles de Nantes toi, c'est ça, Pays de la Loire, ouais. 44, en force. Ouais. Ouais, ça a l'air là, en pleine force là, Florian. Il est complètement en force là. Qu'est-ce qui t'arrive Flo? Ce serait pour une déclaration d'amour. Oh, oh c'est mignon. Mais tu sais que ça ne sert à rien. Bah si, ça peut servir, mais déclaration d'amour à qui? À ta copine ou à qui? Bah une fille que je connais. Et... Ah mais c'est pas ta copine? Non. Mais t'es pas sûr que ça marche bien? Pas sûr. Parfait. C'est ça qui est bon. C'est le meilleur moment. C'est ça qui est bien, ouais. C'est ça qui est bien. Bon, est-ce que tu sais déjà ce que tu vas lui dire? Comment tu vas lui dire, etc., etc. Ouais, je pense, parce qu'en fait, déjà, il y a eu un petit souci, parce que je me suis embrouillé avec elle il y a pas longtemps. Ah bah ça commence bien, tiens. Ça commence super bien, ouais. Ah ouais, ils n'attendent que ça, les mignons, justement, tiens. Bon. Ils attendent la baston. Voilà. Bah, ils attendent évidemment la baston, hein. Voilà. Ils sont là, ils sont au taquet. Bon. Tu t'es embrouillé à quel sujet? Bah, en fait, elle a changé souvent de mec pendant un moment, et du coup, bah, ça m'a fait chier, j'étais un peu jaloux, et du coup, Bah t'étais jaloux d'une meuf avec qui t'es pas toi. Comment? T'es jaloux d'une meuf avec qui tu n'es pas. Bah ouais, moi je suis jaloux quand il y a une meuf que j'ai envie de serrer avec un autre mec, je suis jaloux hein. Oui non mais d'accord mais. Je fais tout pour la vie du mec hein. N'importe quoi. C'est pas vrai. Mais c'est ça. Et donc Flo, donc t'étais jaloux pourquoi? Bah parce qu'en fait elle m'a fait un peu espérer, genre elle m'a embrassé et deux minutes après elle m'a fait ouais j'ai pas de relation, machin, alors que deux jours avant Ouais non ça c'est pas bien, ça je suis d'accord avec toi effectivement. Bon Flo, bon écoute on va l'appeler dans quelques instants. Si vous avez des conseils à donner à Flo justement, tu la connais depuis quand? Je sais pas, depuis 3-4 mois. 3-4 mois, d'accord, ok. Et tu lui as déjà dit que t'avais quand même envie? Ouais, parce qu'elle t'a fait espérer un minimum. Ouais. Et malgré tout, tu vas quand même essayer. Parce que si dans la... Je veux pas te casser ton cou, mais si elle avait eu envie, sachant que toi t'es open, elle aura peut-être déjà fait le premier pas, tu vois. Ouais. Ouais, non, mais non. Mais il a pas l'air d'accord. Non, mais t'as pas l'air, non. Tu devrais, il y a une technique qui marche pas mal. C'est dans la vie de Polo, attention. Non, mais c'est vrai que tu devrais la nier. Ah, je crois que t'avais dit, tu devrais la niquer. Mais oui, c'est une bonne idée, ça. Non, mais effectivement, là. Mais oui. Alors, mais tu sais, faire comme si elle n'existe pas. Et ça, elle supporte pas. Ah ouais, j'adore. Suis-moi, je te suis. Suis-moi, je te fuis. Ouais. Ouais. C'est la technique de Polo, ça. Ouais. Mais regarde, il est toujours tout seul. Ah, mais c'est pas mal à chaque fois avec ça. Non, mais c'est vrai. Et c'est vrai que ça marche. Bon, ouais, bah, si vous avez. La meuf, d'ailleurs, elle s'est partie. Bah ouais. Il y a Anaïs qui dit en espérant que ça se passe mal la déclaration pour rigoler un peu. C'est dégueulasse, Anaïs. Mais c'est tellement vrai. oui, il faut dire les choses, c'est vrai. Bon, Florian, tu restes avec nous. On va essayer de l'appeler dans un instant, d'accord? Ok, pas de soucis. Bon, allez, bouge pas de là, on va parler de la chirurgie qu'il y a maintenant avec Marie-Hélène, c'est ça? Ou Marie-Hélène? Non, Michael, c'est Marie-Hélène. Marie-Hélène, bah c'est pas grave, Marie-Hélène, voilà, on tu vas corriger, c'est parfait. Tu peux faire des trucs à base de ma-ma-ma ou pas? De ma-ma-ma-ma Marie-Hélène. Si tu peux faire ça. Voilà, tu peux faire banana si tu veux. Je pensais que t'aurais fait Johnny. De quoi tu dis? Je pensais que t'aurais fait Johnny, sauf au mari. Ouais, non, ouais, on a pas encore vieilli assez là. Bah oui, t'es Marie-Hélène là. Tu vois? Non, Marie-Hélène, pardon. Mais c'est pas grave, je te fais un chiffre à les lettres, c'est gratuit, c'est pour moi. Combien? Oh, super, merci, quelle bonté, dis donc. Waouh! Combien mesures-tu, Marie-Hélène? 1m54. Combien. Ah bah d'accord. Combien pèses-tu? 60 kilos. Ah oui, quand même. Quel est ton tour de poitrine? 105 C. Ah, mais ça me parle plus ça. Oula! Et la taille des derniers pantalons que tu as acheté? 44. Ah, quand même. Oui, c'est pas mal. C'est pas mal. On sait qu'on en a pour le volume. Oh, super. Bon, Marie-Hélène. Ouais, ouais. T'inquiète pas, de toute façon, on lui parle pas, c'est un con. Bon, alors, tu voulais parler de la chirurgie, toi, c'est ça? Ouais, bah déjà moi je change ma taille parce que bon 1m54 c'est pas terrible, j'ai toujours les pantalons qui touchent par terre et j'ai les pieds trop larges aussi, donc pour les pompes c'est casse-couille. Mais trop large, c'est-à-dire? Bah c'est-à-dire que j'ai beau mettre du 42, le pied rentre pas quoi. Ah d'accord, ok. Mais en même temps la hauteur tu peux pas faire grand chose hein. Tu suis à chirurgie esthétique, on peut pas t'agrandir quoi. Il y a les Chinois, ils font des trucs bizarres en fait. Mais c'est ce que tu viens de dire. Ils font des trucs bizarres. Ouais, non, mais c'est pour ça que j'en parle pas. Ils coupent, je crois c'est le tibia. Il y a que les Chinois, même aux États-Unis. Ah, ouais. J'avais vu ce reportage où ils coupent le tibia en deux et ils rallongent. Et en fait l'os se reconstruit autour du. Ouais. Et tu gagnes genre mais pas grand chose hein, genre 5-10 cm quoi. Bon, c'est déjà pas mal. Tu fais un 54, c'est toujours ça de prix. Ah bah, hein. Ça change ta vie hein. Ouais mais c'est hein chaud, c'est dur à. Enfin c'est très bizarre. À faire. Ouais. Ah ouais. Marilyn, toi gagner 10 cm ça changerait ta vie. Bon, ça serait mieux, on m'éviterait de la pierre au vide comme ça. Ah ouais, d'1m54 à 1m64, effectivement, je te confirme, ça pourrait être pas mal, ouais. Bon, et donc du coup, toi tu changerais tes pieds toi là, au niveau de la chirurgie. Ouais, parce que comme je disais, pour les pompes, c'est pas pratique, je trouve jamais rien à ma taille. Bah ouais. Rayon enfant. Bah c'est ça. mais non, parce que c'est trop large. C'est trop large. Elle a les pieds trop larges en fait, trop petits, trop larges. Tu changerais quoi toi, Toff, si tu pouvais chirurgie? Sur moi? Ouais, bah oui, pas sur quelqu'un d'autre. Ah, mais sa tête, oui, c'est une bonne idée ça, Marilyn, effectivement, ouais. C'est bon, j'ai. Mais non, ma tête, je l'aime encore bien, ma tête. Ah bon? Tu sais, ça fait 30 ans qu'on vit ensemble, alors bon, on finit par s'habituer. Ouais. Mais non, un truc que j'enlèverais bien, c'est le bide. Le bide, ouais mais ça on avait une solution avec Polo, tiens c'est de bouffer moins peut-être non. Ouais, du sucre de bonbons. Parce que Toff a une boîte de bonbons dans le bureau. Non mais parce que Toff il a un régime particulier, c'est-à-dire qu'en fait il fait du sport mais il bouffe comme un gros porc juste à côté, donc au final ça s'efface. Mais oui, il est content en plus. Mais oui. Mais moi je l'éviterais. C'est-à-dire que moi je fais pas du sport pour avoir un corps genre svelte. Bah si tu dis que tu vas enlever le bide. Non mais je vais enlever le bide parce qu'en fait j'ai les jambes hyper musclées comme je cours beaucoup et en fait. Hyper musclé. T'as l'impression d'avoir musclé devant toi là. donc c'est ce que je voulais placé ni vu ni connu. Attends, donc Sandro, on va toucher les gens pour voir si c'est musclé là. Je t'embrouille. Ouais, touche la cuisse là pour voir si c'est musclé chez Toff là. Ah oui, on sent le muscle en tout. On sent le muscle. Il a contracté. Les miennes sont beaucoup plus musclées. Ouais, bon, enfin bon. Et donc voilà, et donc en fait comme j'ai recommencé à faire du sport et tout, bah du coup, j'ai perdu énormément du cul, des cuisses et tout, mais le bide je perds pas. Ah ouais. T'as perdu aussi du cerveau hein. Non mais ça j'avais déjà pas. Il avait déjà rien avant, donc tu veux comment t'expliquer que c'était compliqué. Bon, Marilyn, donc toi tu changerais donc juste les pieds, c'est tout, sinon tout le reste tout va bien? Les doigts aussi, ils sont un peu petits. Les doigts, d'accord, ok, très bien. Et Polo, il changerait quoi lui? Bah, rien, je suis parfait. Non, j'ai un petit problème là en ce moment dans la dent. Oh, mais il va me chipoter avec des détails, du monde sur le fond. C'est genre, il y a une espèce de petite carie, c'est pas de la chirurgie, c'est aller voir un dentiste. Je crois que c'est la gencive là, et je voudrais juste changer ça, mais sinon le reste, bah, je me remettre des cheveux, non? Bah, il m'en reste encore. Hein, oui, il en reste un peu, ouais, mais. Mais t'en as plus beaucoup. Bah non, ça tombe bien là chez Polo là. Ouais. Allez, c'est déjà bien tombé, effectivement. Ouais. Bon, bah Marilyn, mais merci en tout cas d'être passée. Et puis tu reviens quand tu veux sur Fun. Hein. Ok, mais ça m'a fait plaisir, Michael. Bah écoute, ça m'a fait plaisir aussi, Marilyn. Oui. D'ailleurs, justement, tiens, tu veux écouter quoi l'autre heure là? Ouais, Major Lazer. Avec Watch Out For This. Oh, bah sinon, j'ai aussi Axwell. Celui-là. Plus Axwell. Plus Axwell, d'accord, ok, bah c'est bien noté. On va se le mettre dans un instant, alors le son d'Axwell, Marilyn. Bon, bah gros bisous, Marilyn. Bah bisous Michel. Et à bientôt, salut à toi, ciao. Bisous, bisous. Bye, message aussi qui est arrivé de Chris sur le Twitter qui dit Toff, le monsieur muscle no limits. Bah oui, oui. DJ Kylian qui dit oh, c'est mignon, quel romantisme sur Fun Radio. J'ai la même technique que Polo et ça marche pas. C'était parce quoi que la technique? Sais pas faire. Ah de drague, ouais, probablement, c'est ouais. Parce que je sais pas faire. Bah oui, probablement aussi, ouais. On en a pour le volume, mort de rire. Quel salaud ce Toff, c'est Benjamin qui a envoyé les messages. Oui, bah en même temps, on le savait tous que c'était un enfoiré Toff, c'est pas nouveau quoi, voilà. Je vois pas pourquoi vous dites ça, bah justement. C'était dans la sympathie, la c'est bonne humeur, ça. La douceur et la grâce. C'est ça. Il y a Igor aussi qui vient d'envoyer un message là, qui dit Mickaël, c'est Toff qui doit mettre les escargots, c'est bon pour les pieds. Ah bah voilà, tiens, c'est pas mal ça. Mais moi j'ai essayé les petits poissons qui t'enlèvent les peaux sur les pieds. Et alors? Et alors c'est bien, c'est marrant. Ah bon, très bien. Je m'attendais à un truc, genre ça allait me faire mal et tout. En fait, non, pas du tout. Ça chatouille un peu? Vraiment un tout petit peu. Vite fait. Bon, il y a Laura aussi cool. Qui dit c'est Toff qui doit tester les escargots. Chris qui dit désolé Toff, je crois que tu vas pas être épargné pour la bave d'escargot. Et alors il y a Isadora qui dit Mickaël, la crème à base de bave d'escargot marche très bien. J'en utilise. Eh ben voilà, comme quoi effectivement, tu vois finalement Sandro là, t'es en train de faire ton cinéma pour pas en utiliser alors qu'en fait ça cartonne. Ah mais la crème, je veux bien l'essayer. Ouais, mais on va et mettre encore, la vraie, là. Je demande l'avis de mon dermato. Oh, ça y est, quel cinéma, quel mais cinéma. Mais les escargots sur la tronche, non, quoi. Non, mais bon, bah, t'inquiète pas. De toute façon, c'est pas toi qui décide, c'est les auditeurs. À vous de gérer, hein. Ah ouais, mais je leur ai dit, hein. Moi, je relève les noms, prénoms, tout. Ouais, ouais, c'est ça. Tu vas rien relever, tu vas oublier. C'est naturel. Jeux, rien du tout. C'est hein. La nature, ouais. Les escargots. Voilà. Bon. Hashtag et Mickaël. Et, lequel des deux doit tester, la bave d'escargot demain soir en direct dans l'émission? Est-ce que c'est Toff? Est-ce que c'est Sandro? Vous mettez le hashtag et Mickaël sur Twitter et sur le facebook.com/Mickaël officiel. Et Jérémy qui dit, bah, après une demande de fiançailles jeudi dernier, une déclaration d'amour aujourd'hui. Vive l'amour sur Fun Radio. Beau, mais oui, rêver. Évidemment. Et Let's Be Freaks qui dit, Toff, il en a plus besoin que Sandro. Au niveau de la bave d'escargot. C'est vrai. J'ai moins de boutons, mais je perds plus ma peau. Ouais, parce que moi, j'ai les ch'tards quand même. Hein. C'est un voilà. Combat de tous les jours. Hein. Exactement. Bon, et en parlant de chirurgie, justement, là, je sais pas si vous savez que les femmes sont naturellement programmées pour être attirées par les mecs marrants. Ben oui, je sais très bien, je le m'en rends compte tous les jours. Ouais, ben justement, ouais. Et donc c'est une info très sérieuse, hein, puisque c'est un grand professeur de Stanford ou United States of America, c'est ce qu'il dit en fait tout simplement. Et donc voilà, donc ils sont plus attirés, enfin elles sont plus attirées par les mecs drôles. Ouais. Non mais c'est vrai, hein, c'est un truc de fou. Hein. Donc Toff qui se la ramenait tout à l'heure là. Bah non, je me la ramène pas. Moi, je ne dis que des vérités. Je fais rire les femmes, les femmes m'aiment. Et... C'est ça. Bon, on va vérifier ça tout à l'heure. Nous aimons et nous faisons l'amour dans la c'est joie, ça. L'allégresse. Tu parles et dans la graisse surtout. Bon, on va tester ton pouvoir de séduction là, justement là. Allons-y. Trouve-nous des numéros de filles à appeler là. On fait ça dans quelques instants, d'accord? Ok. Parfait. Et puis on va prendre aussi les touristes. C'est vrai qu'on en parlait au début d'émission là. Les pires touristes. Dans un instant, on va en reparler et on va surtout parler avec Mathieu là. De retour de Mathieu. Mathieu. Eh ben le retour de pas Mathieu, c'est il pas s'est grave. S'est endormi. Ben oui, on va le prendre dans un instant. On va se mettre Axwell maintenant avec Center of the Universe et puis on va récupérer Florian qui voulait appeler sa copine, enfin sa future ex-copine là pour. Attends, comme ça vous êtes au standard en direct avec Alexandro parce qu'elle a pas coupé son micro. Donc. Allô, t'es toujours là? Ouais. Ben c'est très bien. Bon, on va repasser. Alors, parce non, que tu nous as mis dans la merde là quand même. Hein, faut le savoir. Hein. Ah oui, je me gêne pas pour leur dire comme tu nous as bien mis dans le caca. Là. Coup de fouet direct. C'est ça. Bon, on les appelle dans un instant là pour tester le pouvoir de séduction de Toff. Là, dites-nous à votre avis si effectivement il est encore c'est un séducteur ou pas là. Vous mettez le hashtag séducteur et Mickaël. C'est ça, ouais, c'est ça. Ouais. Hashtag et Mickaël et on écoute Axwell maintenant sur Fun. C'est Fun Radio, depuis 20h on est en direct sur Fun Radio, ça dure jusqu'à 23h tous les soirs, profitez-en du dimanche au jeudi, on est là pendant l'été, donc bah venez dire avec nous, hein. On est là, vous êtes les bienvenus évidemment, il y a Thibaut qui dit appelez Toff comme vous voulez, mais pas séducteur, bah non, ça c'est sûr, hein, là, de ce côté-là on est bien d'accord Thibaut, il y a Jesse Beach qui dit moi je soutiens Sandro, alors Toff pour la bave d'escargot, je t'aime aussi Toff, hein, mort de rire, bah c'est oui effectivement, qui, ouais. C'était qui? C'était Jesse Beach sur... Jesse, je te mets en auditrice VIP. Mais, qu'est-ce que tu racontes? C'est mon petit carnet. C'est ça, la carte. Il a la carte gold. Voilà, il peut passer quand il veut. C'est bien ça. N'importe quoi. Il y a Benji aussi sur Twitter qui dit Sandro, il flippe mort de rire. Bah ouais, grave. Bah attends, des escargots sur la tronche. Bon, ça va. Mais c'est pas la mort. Voilà. Ouais. Puis il y a Aurélien qui dit ça devrait être Toff là. D'ailleurs, il s'est barré Toff là. Où est-ce qu'il est passé encore celui-là? On devait faire des appels là pour tester son sa séduction justement. Il a peur. Bah ouais, il a peur. Il y a Bigel aussi qui dit Toff car après sa teinture, il est prêt à tout. Oui, non, mais voilà, c'est ça, on n'est plus dans le détail non plus maintenant. Non, je suis pas prêt à tout. Bah si. Et Dylan qui dit merci Mickaël d'être là tous les soirs, tu permets de décompresser en rentrant du taf. Merci pour le boulot que tu donnes. Bah écoute, avec plaisir Dylan, on est là tous les soirs, hein, on est là tous ensemble. Je veux que Toff teste Mickaël, il va trop avoir de la chance. Mais bien sûr qu'il va avoir de la chance, mais plus de chance que ça même. Bon, bah on va tester les appels, enfin on va tester ton pouvoir de séduction maintenant, avant de prendre Mathieu, Florian et Laurent. Bah ce que je te propose c'est qu'on l'appelle. Donc l'idée c'était simple. L'idée était que apparemment les femmes sont programmées pour kiffer les mecs drôles. Ouais, c'est ça, je vais les faire rire et après ça va le faire quoi. Ou pas. Donc on appelle. Mais si. Bah c'est ça, on appelle les numéros, c'est Sandro qui a fait le ménage à numéro de FIV. En tout cas, on va essayer, on va espérer surtout et puis on verra bien comment ça va se passer justement sur au niveau de la séduction. Allez, c'est parti. Bon, c'est encore debout là, 21h30. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Oui, est-ce que je peux parler à votre femme s'il vous plaît? Allez, vous voulez vous présenter s'il vous plaît? Oui, je m'appelle Toff et en fait je voulais parler à une femme en fait. Et parce que vous êtes un homme, ça m'intéresse pas. Eh ben écoutez, et puis il faut parler plus fort, je vous entends mal. Oui, je voulais parler à une femme, mais vous êtes un homme, donc ça ne m'intéresse pas. Eh ben moi non plus. Ah bah voilà, dis donc, c'est pas mal ça, hein. Je pense qu'on a fait un bon appel là. Là, c'était mon meilleur. On était au top là. Vous avez vu comment j'étais bon ? Ouais, super. Attends, on va rappeler on va pas rappeler mais on va rappeler. Allez, hop, c'est parti. On va voir si ton pouvoir de séduction est toujours aussi bon. Ouais. Oui, bonjour madame. Bonjour. Oui, voilà, en fait, je vous appelle parce que j'ai lu dans un article que les hommes marrants avaient plus facile à séduire les femmes. Et donc je me disais peut-être je pourrais vous raconter une blague et ça nous mettrait un petit peu dans une bonne vibe pour se rencontrer. Hein, regardez, si je vous raconte par exemple ces deux asticots qui se retrouvent dans une pomme, vous savez ce qu'ils se disent ? Non. Ouais, bah ils se disent tiens, je savais pas que t'habitais dans le quartier. Non, ça vous fait rire un peu ou pas ? Bon. Est-ce que je suis déjà à moitié dans votre lit ? Non, vraiment pas. Bon, bah au moins devant votre porte. Ah, même pas. Si vous voulez. Ah, quand même, je peux venir jusque chez vous ? Ah non, pas du tout. Bon, attendez, je vous raconte une autre petite blague. Une blague ? Oui, je suis inquiet et je vois que des points noirs. Et donc mon pote il me dit ah bon, t'as vu un oculiste ? Et moi je lui réponds bah non, j'ai vu des points noirs. Ouais. Non, celle-là elle vous a pas plu. C'est bon, attendez, je vous en lis une autre. C'est une femme qui discute avec une amie hein, et elle lui dit ah j'ai un mari en or et l'autre répond bah le mien il est en tôle. Ouais. Oui. Et alors, elle vous a fait rire celle-là, elle vous a fait rire. Et alors on en arrive où là parce que bah chez vous en fait, c'est-à-dire que comme on m'a dit que les femmes étaient en fait faites pour aimer les hommes marrants, comme là je viens de vous faire rire, je me dis qu'on peut s'aimer. Enfin et... surtout vous qui allez m'aimer. Non, je ne pense pas. Ah bon ? Ouais. Ah, et vous connaissez la blague de la chaise ? Ah non, allez-y. Bah c'est dommage parce qu'elle est pliante. Franchement, il vous manque une brique. Moi, ça me viendrait jamais l'idée de téléphoner à quelqu'un comme ça pour lui raconter des blagues. Mais enfin, non, moi, c'est surtout pour vous séduire, quoi, parce que je me dis que peut-être il peut se passer un truc entre nous. Ah ouais. Vous êtes comment physiquement d'ailleurs ? Pardon ? Non, donc, physiquement, vous êtes comment ? Vous êtes plutôt bien. Eh ben plutôt rien du tout d'ailleurs, hein. Plutôt rien du tout d'ailleurs. Bon bah tu vois finalement ça allait pas mal. Allait pas mal, elle a quand même rigolé. C'est ça, il te manque une brique donc. Oui, c'est ça, il te manque une brique. Exactement, oui. Mais apparemment à Charleroi ils sont plutôt ouverts hein. Oui, je vois ça. Ils sont plutôt ouverts. Bon, on fera d'autres appels tout à l'heure éventuellement pour voir si t'es toujours aussi doué ou pas justement. Bon, on va prendre Mathieu là maintenant Matt. Ouais. Bon, Mathieu, est-ce que je sais que t'appelais pas pour ça parce que c'était par rapport à ta copine, mais est-ce que t'aurais un conseil à donner à Florian là qui veut faire une déclaration d'amour à une meuf, mais bon, à savoir que c'est pas gagné d'avance quoi, même loin de là. Ben, je sais pas, genre il faut qu'il se rapproche d'elle avant, ou sinon il tente du tout au tout, et vraiment genre il se met devant elle et il fait sa déclaration. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, Flo ? Ben, parce que lui veut faire ça par téléphone là maintenant là. Eh ben, qu'il appelle, alors il appelle avec scène, comme ça lui fait. Ah ouais, mais c'est ce qu'on va faire. Ah bah c'est ce qu'on va faire tout de suite. C'est juste pour voir si t'avais entre mecs un conseil à donner, quoi. C'est ça que je voulais savoir. Pas spécialement. Pas spécialement. Bah lui, il a déjà son problème à régler, hein. Ouais, je sais bien, justement, c'est pour ça. Bon, ben, Mathieu, reste avec nous. Il y a des messages qui sont arrivés, tiens, par rapport aux blagues, là, au séducteur, là. J'étais trop bon. Nathan qui dit la blague de la chaise, elle est pliante, je meurs. Benji qui dit nul tes blagues. Il y a Denis aussi qui dit vivement la Toff Academy, que j'apprenne toutes ces blagues, lol. La blague de Toff, elle m'a tué de rire. C'est Denis aussi qui avait envoyé le message. Il y a encore Nathan qui dit le Toff, le meilleur dans l'échec. Effectivement. Qu'est-ce qu'il y a aussi, il y a Fred qui dit dans la voiture en train d'écouter Mickaël No Limit sur Fun Radio, kiffant l'émission. Ben merci Fred. Et puis des messages aussi, l'équipe de dingue ce soir c'est Igor. Bon ben merci Igor aussi. Bon alors ce qu'on va faire, mesdemoiselles, si vous avez des conseils à donner à Florian avant qu'on appelle sa copine, vous mettez le hashtag Mickaël sur Twitter et sur Facebook. On en parle dans un instant, promis. Juste après on te récupère Flo, on récupère Mathieu. Il y aura Laurent qui voulait réagir aussi par rapport à Mathieu justement. Et puis on va se mettre comme promis le son comme promis donc de Major Lazer dans un instant. Voilà, et si vous voulez encore que Toff fasse un petit appel là, bah vous demandez hein, voilà, vous mettez le hashtag Mickaël sur Twitter et sur Facebook. Est-ce que vous voulez qu'il teste encore son pouvoir de séduction? Mais j'étais tellement bon. Ouais, justement, pour voir jusqu'à quel point il a été mauvais. On fait ça dans un instant sur Fun Radio, bougez pas de là. Un truc à dire. Mickaël, appelez Mickaël. No limit. Fun. 01 42 48 5000. Mickaël. attendez la suite. Mickaël, No Limit. C'est tous les soirs sur Fun Radio. Et on est là depuis 20h sur Fun Radio, tous les soirs, dimanche, jeudi. Venez délirer avec nous, on est là jusqu'à 23h. Avec encore plein de sons que je vous passerai tout à l'heure. Évidemment, il y aura le Stromae, on en avait parlé tout à l'heure. Bah, je vous le mettrai évidemment sans problème. On aura aussi Léo qui est avec nous. Tiens, salut Léo. Salut tout le monde. T'appelles pourquoi Léo? Moi c'est pour la partie notre corps qu'on changerait. Ah très bien, bah on va en parler dans un instant Léo, bah bouge pas de là, bouge pas de là, on va encore faire aussi. Tu veux qu'on appelle encore quelqu'un là? Tu veux que Toff montre son son talent de comment séducteur. Je disais, de séducteur, ouais. Voilà, c'est ça, j'allais dire dragueur, mais en fait séducteur. De séducteur et d'humoriste aussi. Ouais, d'humoriste aussi. On va bien rigoler, bah écoute, on va essayer en tout cas, Léo. On fait ça dans un instant, tu restes avec nous? Ça marche. Bon, bah parfait. Allez hop, reste là, Léo. Et puis, bah, tous les autres, hein, vous n'hésitez pas, vous nous contactez, on est ensemble jusqu'à 23h, 01 42 48 5000. Les filles, on a eu peu de filles ce soir là. Qu'est-ce que vous faites? Bah oui, elles nous ont pas dit si elles aimaient les hommes drôles ou pas. Bah ouais, c'est ça. Est-ce que vous préférez? Ouais, qu'est-ce que vous aimez chez les mecs? Mec drôle, pas drôle? Mec sérieux, pas sérieux, 01 42 48 5000 ou alors pour depuis la Belgique 02 851 4x0. Je compte sur vous, mesdemoiselles. Je vous attends là maintenant au standard. Allez, c'est parti. Puis côté son sur Fun, je vous calme. Major Lazer maintenant, c'est Watch Out for Lee sur Fun Radio. C'est Mickaël No Limit. Et puis on est là jusqu'à 23h sur Fun. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée avec Fun, c'est Mickaël No Limit. Prenez le contrôle, appelez le 01 42 48 5000. Et on est en direct jusqu'à 23h sur Fun Radio avec des messages. Il y a Issam de Liège qui dit Mickaël, faut que Toff reteste la séduction là. Daniel qui dit il est trop nul, Toff avec la séduction. Bah oui, je suis assez d'accord. Il y a quoi aussi? Mickaël, Toff n'est pas un séducteur, c'est juste un gros relou. C'est Angélique qui avait envoyé le message. Et Maxime qui dit Toff reteste ton super pouvoir de séduction, je suis plié. Bon, bah on va tester ça dans un instant alors. Hein. Et puis il y a le routier de La Rochelle aussi qui dit pour la baffe des escargot, ça doit être Toff, le cobaye car Sandro, elle a rien fait, la pauvre, mort de rire. Toff, le roi des blagues, j'ai bien kiffé celle de la chaise, c'est ma préférée. Toff, c'est Ben qui avait envoyé le message. Écoute, je te remercie, j'en ai plein d'autres, si vous voulez, appelez-moi. Bon, bah, on fait ça dans 5 minutes, on va d'abord récupérer Mathieu là, qui attend depuis longtemps, le pauvre. Mathieu, t'es toujours là? Ouais. Bon, bah très bien. Il y a Laurent qui voulait donner un conseil, qui est avec nous. Donc Mathieu qui nous avait appelé parce qu'il a embrassé une autre meuf. Il flippe que sa meuf se venge. Il devait aller la voir un week-end, mais c'est le jour où il y a le Axe Boat là que vous pouvez gagner tous les matins sur Fun. Donc c'est un festival hein, sur bateau avec plein de mecs, plein de meufs. Ça va être la folie totale. Et le problème c'est que ben du coup c'est la sœur de ta copine qui a gagné ça et elle va y aller avec elle. Ouais, c'est ça. Et t'as peur qu'elle se venge là-bas. Ben ouais. Et avec tous les beaux mâles et toutes les belles filles qu'il y aura, effectivement, ça pue du cul. Ouais, ça pue un peu. Ouais. Bon, attends, Laurent est avec nous, 26 ans de Rouen. Salut Laurent. Salut. Hey, ça va? Ça va, la voix de fumeur, désolé. Bah ben oui, je vois ça, ouais. Enfin, j'entends plutôt. Bon, Laurent, alors, toi, explique tout ton problème ou en tout cas ton conseil à donner à Mathieu. Ouais, alors moi, ça va pas le rassurer de trop, en fait. Bonsoir, Mathieu. Moi, c'est la situation inverse, en fait. Je suis avec ma femme depuis une dizaine d'années. Et en fait, elle a eu deux petits écarts. Et depuis, je lui en mets plein la gueule. Et je vais voir à droite, à gauche, très régulièrement, sans lui dire. Et je lui en fous plein la gueule quand même. Mais pourquoi vous vous quittez pas, maman? Parce qu'on a quand même deux enfants en commun. Bah et alors, franchement, moi je pars du principe, après ça ne reste que mon avis, hein, je te juge pas ni rien, mais je préfère, moi, je pense qu'un gosse est plus heureux avec deux parents séparés heureux que deux parents ensemble qui se tirent la gueule et qui se tirent dans les pattes. Hein. Bah ils sont peut-être très heureux d'aller voir ailleurs. Oui, peut-être. On tire pas la gueule, on s'aime, mais... Ah bah je vois ça, oui. Et moi, maintenant je me gêne plus pour aller voir à droite à gauche. Mais en même temps, sa femme, elle est pas malheureuse puisqu'elle est pas au courant. Elle est pas au merci courant. Merci Sandra. Qu'est-ce que c'est que cette meuf, quoi? Mais non, j'ai fait une déduction. Et franchement, j'ai aucun remords, quoi. Ah ouais. Bon, mais tant mieux. Écoute, mais t'as été voir plus que deux fois ailleurs, j'imagine. Largement, oui. Largement. Donc, et aujourd'hui, si elle va voir ailleurs, ça se passe comment? Je pars. Ah bah t'es gonflé toi quand même, hein, dis donc. Hein. Bah, et moi j'ai toujours été clean avant qu'elle aille faire une connerie, donc. Oui, non, mais d'accord, ok, mais j'ai compris, mais bon, c'est bon, aujourd'hui, elle a payé sa dette à la société, enfin, à toi, en l'occurrence, t'as pu aller voir ailleurs plein de fois, je veux dire, il y a un moment... qu'il aille voir encore ailleurs, c'est pas sûr, hein. Ah, je sais pas, mais c'est juste qu'il y a un moment, c'est bon, tu vas pas lui en vouloir et tu vas pas... soit tu lui as pardonné, tu restes avec elle, tu lui as pardonné et basta, soit tu lui as pas pardonné et puis tu te barres. Non, mais ça en revient à ce que vous disiez tout à l'heure, comme quoi elle le payera toute sa vie, quoi. La moindre engueulade, ça ressort, etc., quoi. Bah oui. Ouais, mais enfin, que ça... Non, non. Pas tous les jours non plus. Ouais, mais attends, Laurent, parce que là, t'es en train de jouer sur les deux tableaux, là. C'est-à-dire que soit tu te venges en lui remettant dans la tronche le fait que toi, t'as toujours été droit droit dans tes bottes et qu'elle t'a trompé et que c'est dégueulasse, soit tu te venges en allant voir ailleurs, mais toi tu joues les deux en même temps, toi. Exactement. Mais en fait, ça t'arrange bien au final. Mais tout au ça. Final, c'est clair. Du coup, tu vas la tromper à vie, quoi. Donc. En sachant que moi, je suis capable de faire ça, alors que je ne me pensais pas capable de ça, c'était pour lui dire que bon, il a peur qu'elle aille voir ailleurs, mais ça peut même être pire, quoi. Je veux dire, surtout que les femmes sont plus vicelardes que les hommes, donc. Ça reste à voir. Ouais. Enfin, c'est pas les mêmes vices. C'est pas les mêmes vices, exact. Venger, elle est beaucoup plus méchante et elle sait être beaucoup plus vicieuse. Ouais, ouais. Et puis il y a tout ce que tu sais pas, tu vois, parce que toi t'es au courant deux fois, mais toutes les autres. Non, mais c'est ça, parce qu'il y a peut-être que deux fois, mais peut-être qu'elle a fait plus aussi, hein, mais bon. Ça te rassure, Mathieu, ou pas? C'est elle qui l'a pas vraiment, non. Tu vois, ça te rassure pas des masses. Bon courage, Mathieu. Ouais, bah écoute. Voilà, hein. Voilà, Mathieu. Et c'est beau l'amour, hein. Ah oui, c'est beau l'amour, oui. Ah oui. C'est ça d'être en couple. Eh ouais, c'est beau l'amour. Bon, bah écoute, tiens-nous au courant, Mathieu, hein. Bah ouais. Bon, bah, allez, salut, hein. Je peux faire une petite dédicace avant de partir? Oui, mais qu'à une seule personne, c'est la règle. Faut choisir la bonne. Hein. Je fais une dédicace à ma copine alors. Oh, bah dis donc, en plus, il gâche sa cartouche. Il l'aime, sa copine, et c'est ça qui est beau. Bon, eh bah écoute, Mathieu, fallait réfléchir avant de mettre ta langue ailleurs. Ah oui, c'est ça. Cochon. Faut pas réfléchir. Ah bah, il vaut mieux, ouais. Bon, bah, salut Mathieu, et puis bon courage. Hein. Merci, bah, franchement, je vous kiffe. Votre émission, elle tue. Je vous écoute du matin au soir et du soir au matin. C'est vrai, bah, c'est gentil, Mathieu. Ça tue. Ça fait plaisir. Tiens, tu veux qu'on appelle encore pour que Toff il teste son pouvoir de séduction là? Ah ouais. Bon, bah, on va faire ça comme ça, ouais. Très bien. Bon, bah, salut Mathieu, salut Laurent, merci à vous deux d'être passés. Salut, merci. Merci, bonne soirée. À bientôt, ciao à toi. Enfin, ciao à vous deux plutôt, Mathieu et à Laurent, vous revenez quand vous voulez, évidemment. On va prendre Mélissa aussi, dans un instant. Bah, même Mélissa maintenant, tiens. Mélissa, t'es là? Oui. Ah, enfin une fille. J'ai eu que peur à un moment, je me dis, mais elles sont toutes barrées. Elle doit être toute en train de picoler un petit moreto là en terrasse pendant l'été, tranquille. Et puis elles nous ont laissé qu'avec des mecs. Ça va, c'est ça me rassure. Ça me rassure. Rosé pour les filles. Hein, oh, mais moreto, rosé, petite coupe, t'inquiète, hein, tout marche. C'est l'humour pour. C'est l'humour pourri de taf qui fait tous fuir. Ah, t'as vu? Il devait y avoir de ça, à mon avis, hein. Ouais. Voilà. Pas du tout. Mais si. Les femmes adorent ça. Tu parles. Mélissa, d'Alsace, toi, t'as 19 ans et tu nous appelais pourquoi, toi? Bah, justement, par rapport à l'humour. Mon humour décapant. Tu parles. Hilarant. Merci. Merci, Mélissa. Bon, est-ce que tu... visiblement non, mais enfin, je pose quand même la question parce que j'ai envie de t'entendre répondre. Est-ce que tu tomberais sous le charme de Toff avec ses blagues? Non, merci. Non, mais... mais toi, tu préfères un mec qui est drôle, quand même. Oui. Et pourtant, mais... pourtant pas Toff. Et tu ne m'as pas trouvé drôle? Non. Est-ce que t'es déjà sorti avec lui? Non. Ah, il est sorti avec quelqu'un? Ah non, non si lui est sorti avec quelqu'un? Ah oui. Ah ouais, non, je suis puceau. D'ailleurs, si quelqu'un souhaite arrête ton cinéma, là, arrête ton cinéma. Comment un mec qui te drague justement? Comment t'aimes bien qu'un mec te drague, Mélissa? Avec l'humour, avec la tchatche, avec je sais pas, avec l'argent? Non, juste sa personnalité en lui-même. Il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes. Donc si t'arrives comme un mec qui arrive et te fait une blague sur la chaise pliante, là, tu non, ça c'est pas rien. Ça dépend du contexte. Ouais, aussi, effectivement, ouais. Bon, attends, il y a un message aussi qui est arrivé. Moi, je suis partant pour un battle de blagues, si tu veux. C'est Ben qui avait envoyé le message. Bah, Toff, il va dire non, il a peur de perdre. Pas du tout. Mais bah, pas si, du je tout. Pense, à mon avis, évidemment. Mais je pense pas bien. Du tout. Je ne me laisserai pas impressionner par un petit follower. Mais oui, un petit follower. Bon, Mélissa. Oui. Reste là, Mélissa. On va appeler maintenant, là, pour tester encore le pouvoir de séduction. Là, t'es prête, Toff? Mais bien sûr. Bon, allez, c'est parti, on y va, direction le pouvoir de séduction. Est-ce que ça va réussir ou rater? On verra bien. Mélissa, à ton avis? Ça va rater. Oui, bonjour madame. À qui ai-je l'honneur? Oui, Toff madame. Qui? Toff. C'est qui Toff? Bah c'est moi madame. Ah bon? Bah oui, en fait je vous appelle parce que j'ai vu un article qui dit que les femmes sont faites pour aimer les hommes marrants. Et donc du coup je me disais que peut-être je pouvais vous raconter des blagues. Et qu'une fois que vous aurez... Excusez-moi, monsieur, j'ai pas bien compris. Je suis en train de regarder la natation, alors j'ai pas bien compris. Qu'est-ce que vous dites? Je dis que, en fait, les femmes sont faites pour aimer les hommes marrants. Les hommes marrants? Oui, et donc je vais vous raconter des blagues, et une fois que vous aurez ri, on pourra s'aimer. J'ai pas bien compris. Ben attendez, je vous lis une petite blague, vous comprendrez mieux après. Hein, c'est deux canards qui sont dans un lac et ils se croisent. Alors il y en a un qui dit au premier coin-coin, et vous savez ce qu'il dit l'autre? Ben j'allais le dire. Coin-coin, c'est les canards, non? Ben oui, c'est ça, parce que c'est deux canards qui se parlent. Mais... Mais bah, vous êtes où, vous? Bah, vous habitez où? Bah, moi, je suis chez moi, et vous? Ah bon? Moi aussi, je suis chez moi, chez moi. Eh ben, parfait, comme tout le monde est chez lui, peut-être qu'on pourrait se rencontrer. Ah, bien sûr, cette heure-ci, je suis tellement d'accord, tout le monde est devant sa télé, ou bien ceci. Hein. Mais oui. Bon, je vais vous laisser, monsieur, parce que je viens continuer sur ma natation. Mais oui, attendez, on s'est pas rencontrés encore. Quoi? Mais vous n'avez pas fixé le rendez-vous pour se rencontrer. C'est bon. Alors, pourquoi je vais donner rendez-vous à vous? Vous ne vous connaissez même pas. Mais non, mais justement, c'est comme je vous ai fait rire et que vous êtes faite pour aimer les hommes qui vous font rire, bah vous devez m'aimer. Ah bon, vous me faites déjà rire, donc merci beaucoup, ça va? Bah, c'est gentil de penser à moi. Bah attendez! Non, j'ai pas le temps. Mais oui, mais pour notre rencontre, allô? Ah, bah elle a fait une bonne rencontre là, hein. Très très bonne rencontre, hein. Faut qu'on la rappelle, Non mais elle veut pas de toi là. Mais si, elle veut de moi. Ça, elle veut pas de toi, je te dis. Mais si. Ça y arriver. Bon, y on rappelle encore une fois, après c'est pas ça. Allez, on rappelle, attention. Voilà, c'est parti. Allez. Tu vois, elle veut plus décrocher. Oui, excusez-moi, mais on a été coupé. Vous n'avez pas eu le temps de me dire comment est-ce qu'on faisait pour se rencontrer. Bah, j'ai dit, mais j'ai pas envie de vous rencontrer. Bah, attendez, je vous lis une autre blague et après, quand vous aurez ri. Non, j'ai pas le temps de vous écouter. Si, regardez, c'est dans un bal. Je vais couper. Regardez, mettez-les tranquille parce qu'après, si je ne les prends pas, alors même si quelqu'un est. De ma famille qui m'a. Mais je me sens, je ne prends même pas. Oui, mais donc, regardez, si je vous raconte une petite. Non, attendez, c'est dans un bal, c'est un monsieur qui dit à une fille: mademoiselle, comme les danses me semblent courtes avec vous. Mais bien sûr, répond la fille, le chef d'orchestre, c'est mon fiancé. Eh ben, heureusement qu'il y avait le mignon, hein. Heureusement qu'il y avait le mignon. Au moins, il y a eux pour. Ouais, tu parles, ouais. N'importe quoi. Il y a Benji aussi qui dit Tof, tu me tues avec tes vannes pourries. Et la vieille qui capte rien. Ouais, c'est vrai qu'elle avait un peu de mal à comprendre, hein. Mais je comprends pas mes blagues. Je pense qu'elle est tellement drôle. Tu parles. Moi, je pense qu'elle était pas totalement dans le délire, là. Mais bon, enfin bon, qu'est-ce que tu veux. Bon, Mélissa, t'es tombée sous le charme de Tof ou pas? Mélissa? Toujours pas. Ah bah là, il y a rien à faire, hein, je pense. Hein, Je comprends pas pourquoi, Mélissa. Alors que j'avais mis tout ce que j'avais, j'ai tout donné pour toi. Ouais, mais il fallait peut-être un petit peu plus, je pense. Ah bon. Ah ouais, il faudra essayer la prochaine fois. Ou un petit peu moins, c'était peut-être trop, non? Ah merde, j'ai trop donné, mais. Ah ouais, c'est pas con, c'est vrai qu'il y a peut-être de ça, ouais. Il y a peut-être de ça, ouais. Bon, bah, Mélissa, en tout cas, je te fais des gros bisous, merci d'être passé sur Fun. Ok. Et tu reviens. Dédicace. Et bah, à une personne, hein, c'est la règle, il faut choisir la bonne personne, hein. Donc, à mon ami Morgane, et puis. Hop, hop, hop, hop, hop, et à qui? À mon ami. Ah bah, non, à ton ami Morgane, c'est le seul, alors, évidemment. Non. Ah bah, si, c'est une seule dédicace, c'est une seule personne, il fallait choisir, c'était ton ami Morgane. Voilà. Bah voilà, Mélissa, c'est fait, c'est la règle, hein. Bah oui. Sinon après, on se retrouve avec des dédicaces de partout. Il faut choisir la bonne personne. Bon, évidemment, ça va mettre les autres en rogne, hein. Mais ça après, oh, tu vas gérer, Mélissa, je suis sûr. Oui. Mais oui. Allez, je t'embrasse, Mélissa. À bientôt sur Fun. Ok. Ciao, bye bye, bye bye, Mélissa. Salut, salut. Et nous allons également parler maintenant donc de des nationalités les plus reloues là. Je vous en ai parlé en début d'émission là. J'avais dit qu'on était, enfin que j'avais dit que j'avais tombé. Ouh, c'était beau ça. J'allais dire que j'étais tombé donc sur un sondage par rapport aux vacanciers européens les plus irritants. Et donc il se fait que les Allemands et les Anglais ont le pompon des mecs les plus relous, hein. Allemands, Anglais et Hollandais, c'est les pires. C'est les pires du pire. C'est les mecs qui rotent, qui buent, qui boivent de la bière, qui sont foutent de rien. Comme ils sont en vacances, en fait, ils ont l'impression que c'est chez eux et qu'en fait, voilà, tu vois, s'ils vont en camping à l'hôtel ou n'importe où, en fait, ils ont l'impression que l'hôtel est à eux complètement et que sous prétexte qu'ils sont en vacances, ben du coup, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et donc, forcément, ben ça irrite les gens. Les Français sont classés moyennement, ça va. Il y en a qui sont un petit peu chiants, mais sinon ça va. C'est bizarre. Ben ouais. Les touristes allemands sont les plus relous quand ils vont en Turquie. Ou à Majorque. Ah ouais, attention, c'est un sondage. Ah oui, c'est un sondage bien précis. Ah bah ouais, c'est clair. Et puis après, sinon les moins irritants, alors il y a les Autrichiens, les Belges et les Scandinaves et les Grecs. Voilà, c'est les quatre. Bah écoute, après, qu'est-ce que tu veux, moi c'est le sondage qui a été fait, hein. Bah c'est donc, vrai, ils sont pas chiants. Bah les moins relous, Autrichiens, les Belges, les Scandinaves et les Grecs. C'est ceux qui se la ramènent le moins en tout cas, qui sont plus faciles à rire et qui ont le plus de respect pour les autres vacanciers. Oui. Voilà, ça c'était dans le sondage en tout cas. Et donc à vous, qu'est-ce que vous en pensez vous justement? Tiens, il y a Anaïs qui est avec nous. Salut Anaïs. Salut. Comment Salut. Ça va? Bah très bien. Bah écoute, on va plutôt bien, nous on est là tranquille, depuis 20h on est en direct sur Fun, donc que demander de mieux là, c'est cool, on est bien, oui. T'écoutes depuis quelle heure Anaïs? Depuis une petite heure. Ah bah très bien, bah t'as raté une heure, bravo Anaïs. Hein, prochaine fois, je sortirai le fouet, Anaïs. Attention. Bon, dis-moi, quand tu pars en vacances, toi, c'est quoi les nationalités que tu détestes? Les Allemands aussi, Anglais. Enfin, quand tu que je dis que tu détestes, c'est en général les ceux que t'as les Anglais. Les Anglais, ça me fait plus. Non, justement, ça me fait plutôt craquer leur accent. Mais les Allemands, non, je peux pas supporter. Quoi, t'aimes bien cet accent comme ça quand ils parlent avec le patate chaude dans la bouche? Ouais, c'est c'était quoi cette horrible voix là? Radio, on a été piraté par une autre radio. Ouais, c'est quoi là? Ah, c'était tof. C'est radio. Ah, quelle horreur. Sur les, des extraterrestres. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Donc toi, c'est les Anglais, tu les kiffes, toi. Le petit accent, tout ça, la patate chaude en bouche, t'aimes bien? Plutôt, ouais. Ah ouais, d'accord, ok. Bon, bah très bien. On essaiera d'appeler des campings aussi tout à l'heure pour voir ce qu'il y a de prévu là cette année en termes de vacanciers. J'essaierai de réserver mes vacances. Ah bah ouais. Quelle bonne idée. Bah oui, j'en reviens. Michael au camping. Et oui, bah pourquoi pas. J'en reviens, mais pas du camping, il y a des vacances. C'était bon, au camping. Et non, je dis pas du camping, mais d'accord. Des vacances, j'en reviens. Bon, et Anaïs, toi tu voulais réagir par rapport aux mecs drôles. Oui, voilà, moi je pense vraiment que les mecs trop drôles, ça devient un peu lourd. Et je préfère largement les hommes matures qui sont un peu plus durs, quoi. Ouais, mais voilà. C'est-à-dire que tu sous-entends que mes vannes n'étaient pas matures. Non, c'est pas ça. Ah, j'ai eu peur. Mais est-ce que t'as rigolé aux vannes de Toff? Concrètement, est-ce que si on t'avait appelé toi plutôt que d'appeler les inconnus qu'on a appelés là, est-ce que t'aurais pu kiffer et tomber sous le charme? Tomber sous le charme, non, mais kiffer, oui. Ah, quand même! Bah oui, parce que quand c'est... même! Mais oui, parce qu'il est cool, c'est drôle, quoi. Mais oh, oui, il est cool, il est surtout neuneux, hein, non, quand mais tu l'entends, hein. C'est mieux qu'un gros lourd, tu mais vois. Mais c'est un gros lourd! Non, mais un peu vulgaire, tu vois, les mecs un peu. Mais c'est un mec vulgaire! Non, mais là, pas dans les c'est appels. C'est un gros lourd vulgaire, et tu dis, ouais, c'est mieux qu'un gros lourd vulgaire. Non, dans les appels, ça passe, c'est drôle. Ouais, ça passe. D'ailleurs, Anaïs, combien mesures-tu? Non, 17 ans, elle mesure 17 ans. Ah, pardon. Ouais, l'année prochaine, je te ferai de nouvelles blagues, Anaïs. Juste, je voulais préciser, c'est en accroche, hein, c'est-à-dire qu'il te fait marrer, donc tu peux engager une conversation avec lui. Ça veut et pas après, dire vous que vous t'es rendez sous le charme. Que... Non, ça veut pas dire que t'es sous le charme et tout. C'est ça. Et après, il y a la douloureuse qui arrive. Hein, tu te rends compte qu'en fait, il s'est foutu de toi depuis le début et que c'est la merde. En gros, grosso modo, c'est ça, effectivement. Bon, donc Anaïs, toi, c'est plutôt les British et drôles. Voilà, c'est ça. Ok, très bien. Ben merci, Anaïs, d'être passée alors. Hein. Merci beaucoup. Je voudrais faire une petite dédicace. Oui, mais à une seule personne, Anaïs. C'est la règle. Il faut choisir la bonne personne. Ok, bon bah alors et puis Apolline aussi, j'en mets deux parce que Anaïs c'est mal, non. Le coup de fouet va arriver, je te le rappelle. Ouais. Mais attention, elle aime peut-être ça. Ah, ça c'est un autre problème effectivement, ouais. Bon bah je te fais des bisous Anaïs, et passe une bonne soirée à Marseille et reste à l'écoute de Fun et bonnes vacances, à bientôt Anaïs. Salut, ciao à toi. Allez, restez sur Fun. Dans quelques instants sur Fun. Ah bah attends Anaïs, reviens deux secondes Anaïs là, je l'ai perdu. Anaïs, t'es encore là? Oui. Ah très bien, tu veux écouter quoi dans un instant là? Je te propose Armin Van Buren avec This Is What It Feels Like. Ou alors j'ai Stromae aussi. Stromae. Ok, très bien, bon, on va se le faire dans un instant grâce à toi, il n'y a pas de problème. Salut. Merci. Anaïs. Allez, ciao à toi, bye bye. Et restez bien sur Fun Radio, déjà parce qu'il y a le son de Stromae qui va arriver. Et puis parce qu'on est en direct évidemment jusqu'à 23h sur Fun Radio. On va dans un instant appeler les campings là pour voir qu'est-ce qu'il y a comme nationalité. Puisque bon, moi j'ai envie de partir en vacances, mais il n'est pas question que je partage le camping avec les Allemands, hein. C'est les plus relous, donc non, mais que ce soit clair. Non mais c'est normal. Ah bah voilà, donc on va appeler ça dans un instant. On va appeler les campings dans quelques secondes sur Fun Radio. Et puis on écoutera comme promis le son de Stromae sur Fun Radio. Bonne soirée tout le monde. Et il y a la vidéo aussi d'ailleurs, la vidéo d'hier soir, si vous vous souvenez, avec la teinture de Toff qui est dispo sur le Facebook et sur le Twitter. Vous tapez M-I-K-L officiel pour venir nous rejoindre sur le Facebook et en fait grossir la communauté qui est déjà pas mal, hein. On a commencé depuis presque 10 jours là, depuis 2 semaines on a commencé, on est déjà 106 000, un truc comme ça. Donc voilà, venez, la vidéo donc de la teinture est dispo facebook.com/M-I-K-L officiel. Prenez le contrôle, appelez le 01 42 48 5000. Venez foutre le bordel tous les soirs. Fun Radio. Mickaël No Limit. Fun Radio. Et on est en direct sur Fun Radio depuis 20h là ce soir. Venez discuter, venez délirer, venez foutre le bordel avec nous justement. Vous nous appelez hein, si vous voulez parler de n'importe quoi, il n'y a pas de problème, le standard est ouvert. Si vous êtes en France évidemment, 01 42 48 5000. Et si vous êtes en Belgique, 02 851 4x0. Les deux numéros arrivent de toute façon chez Sandro au standard. Donc allez-y, bonne chance tout le monde. Dans un instant on va appeler les campings là pour voir un peu quelle nationalité il y a dans les campings. Puisque bah évidemment, vous avez... est-ce que vous auriez envie vous de passer vos vacances avec des mecs qui parlent comme ça, par exemple pour appeler une ambulance? Non mais c'est vrai, ou un avion. Voilà, ou même à Canaries. Voilà, ou même vous dites, tiens, vous êtes dans le camping, vous dites, tiens, c'est marrant, il est mignon le papillon là. Bah, l'allemand, il va dire pareil, mais comme ça. Schmetterling. Voilà, il va parler d'un papillon comme ça. Alors forcément, ça donne pas envie de passer du temps avec eux, forcément. Donc on va les appeler dans un instant, les campings sur Fun Radio. On va récupérer aussi Samuel, Florian également, qui voulait faire une déclaration d'amour à une fille avec qui il ne sort pas. Donc on va voir comment ça va se passer d'ici quelques instants sur Fun Radio. Et puis on va s'écouter maintenant le son belge d'ailleurs de Stromae sur Fun. C'est Papa Outé. Et je vous rappelle aussi qu'il y a la vidéo de la teinture de Toff, là, les cheveux d'hier. C'est sur MIKL officiel sur Facebook. Facebook.com/MIKL officiel. Dites-moi d'où il vient. Allez, bonne soirée avec Fun Radio, avec le son de Stromae à l'instant. C'était Papa Outé. Et puis il y a des messages qui sont arrivés aussi d'ailleurs. Je viens de voir la vidéo de Outof se fait taguer le logo de Fun Radio sur le crâne, Mickaël. Bah oui, c'est dispo sur Facebook.com/MIKL officiel. Prenez le contrôle. Envoyez un SMS à Mickaël au 74 900. Exactement, ouais, bah, profitez hein. Vous mettez en début de message Mickaël pour venir balancer vos messages, il n'y a pas de problème. J'avais dit qu'on parlerait également, donc on allait appeler les campings là pour savoir comment ça se passe au niveau des différentes nationalités, puisqu'on est tombé sur un sondage qui disait que les Allemands et les Anglais étaient les pires quand tu partais en vacances, et eux qui n'avaient rien à foutre de rien. Et donc du coup je voulais savoir si en réservant dans un camping, est-ce qu'il allait y avoir beaucoup d'Hollandais. Il y a les Russes qui en tiennent une belle couche aussi. Hein. Les Russes aussi sont désagréables au possible et se prennent pour les rois du monde. Et message qui est arrivé de Jesse Beach qui dit: moi je déteste les Espagnols en vacances. Je pars en vacances, c'est Florian, je pars en vacances bientôt et il y a plein de Hollandais. Ah ben le Hollandais c'est l'accent, pauvre, le problème. Mon pauvre. Hein. Ah, là c'est l'accent, oui. L'accent est... Après, il parle comme ça, t'as l'impression qu'il crache tout là. Oui, c'est un peu ça, effectivement, c'est une bonne imitation. Moi, j'aime beaucoup les filles avec l'accent flamand et hollandais. Ah, ouais. Moi, je sais pas, ça me plaît. Après, il y a le flamand et le hollandais, c'est encore deux trucs différents, mais je crois que je préfère encore le hollandais que le flamand. Bon, enfin bon, pas dire ça trop fort, hein. Je rappelle qu'on est aussi en Belgique. Donc on va appeler un camping maintenant, il y a un numéro de camping là, c'est parti, on y va. Vérification pour mes prochaines vacances, hein, des fois que. Bah, allons-y. Ah bah, on sait jamais. Voyons, allez. Soyons sûrs. Exactement, c'est parti, direction le camping. Allô? Allô, c'est le camping? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Je vous appelle pour un petit renseignement. Dites-moi, je vais bientôt venir en vacances. Oui. Et je voulais savoir qu'est-ce qu'il y avait comme nationalité chez vous. Est-ce qu'il y avait beaucoup d'Allemands ou des Hollandais? Mais vous avez déjà réservé? Ah non, pas du tout. Ah, mais on est complet jusqu'au 28 août, monsieur. Non. Eh ben si. Hein. Et si je viens au mois de septembre, ça va ou pas? Ça peut venir, oui. Au mois de septembre, ça dépend, en camping ou en locatif? Locatif. D'accord, ben ça dépend ce que vous cherchez. Je sais pas, mais c'est surtout pour savoir, est-ce qu'il y a beaucoup de Hollandais et de Russes? Non. Non, ça va, il n'y en a pas trop, enfin il n'y en a pas du tout ou il y en a un petit peu? Des Russes, aucun. Aucun, parce qu'on vous a dit qu'ils étaient relous. Ouais, parce que j'ai vu dans un journal que, enfin, ils avaient fait un sondage et apparemment c'est les Russes et les Hollandais les plus casse-couilles. Je saurais pas vous dire, alors là... Mais vous, c'est quoi les pires nationalités que vous avez là? Que j'essaie d'éviter de venir au même moment? Je ne vais pas vous répondre, monsieur, c'est... voilà. Ah bon? C'est, professionnellement, je n'ai pas à vous dire quels sont les pires clients que je puisse avoir. Non mais genre qu'il vaut mieux les éviter, hein, moi après... Non, il n'y en a aucun, que chacun a ses particularités, comme les Français, comme les autres, hein, voilà. Non, donc, mais j'ai entendu dire que les Français étaient relous, moi. Je vais vous laisser, monsieur, merci, au revoir. Oh bah d'accord, carrément raccroché, donc. Bonjour. Bon, très bien, bon, on va la rappeler surtout là au camping là. Moi je kiffe les Belges, c'est Angélique qui avait envoyé le message. Moi c'est les Canadiens, c'est Greg. Bon bah on va rappeler c'est apparemment. C'est le côté caribou. Ouais, caribou, effectivement, c'est bien d'aimer les Canadiens. Bon, allez, hop, on y va, on appelle encore une fois. D'ailleurs il y a Bruno Guillon là, qui est au Canada. Oui, il est chez le caribou. Il est chez le caribou, actuellement, exactement, il est en vacances là-bas. Vous pouvez le voir, vous pouvez le retrouver également sur le Facebook, hein, ça marche également là-bas. Bon, on y va, on rappelle. Allons-y. Allez, c'est parti. Raccroché au nez, je rêve ou quoi? Camping Flower Marius, bonjour, Marie, à votre écoute. Oui, bonsoir Marie, on a été coupé là, mais c'est pour la réservation du coup, on s'est raccroché avant qu'on prenne les renseignements. Oui, mais si vous arrêtez de me parler, de savoir qui est relou et qui n'est pas relou, monsieur. Non mais c'était pour moi, je me renseigne, c'est comme si je vous appelais pour voir si le camping était propre, là je me renseigne pour voir si je passerai de bonnes vacances. Ah ben ça va dépendre de vous et des clients, je peux pas vous garantir que vos voisins seront des gens bien. D'accord, mais non, parce que est-ce que vous pouvez me le garantir? Parce non. Que si jamais je prends la chambre et qu'après il y a des Russes, voilà, ça va me pourrir. Ici, hein. Enfin la chambre, façon de parler, on se comprend évidemment. Je peux pas vous garantir que d'ici septembre je n'aurai pas de réservation de Russes, monsieur. Mais si je signe avec vous, vous pouvez pas automatiquement les exclure s'il y en a un qui vous appelle? Absolument pas. Vous connaissez le nom, ça se remarque, un Russe. Absolument hein. Pas, je n'ai aucun droit de faire ça, monsieur. J'accepte tout le monde. Non, mais ça reste entre nous, moi, je ne vous balance pas, moi, non, ça m'arrange, au contraire. C'est pour un jeu, une radio, c'est pour quoi, là? Ah non, c'est pour des vacances. Ouais, bon, ok. Merci, monsieur. Au donc, revoir. Pour les Russes. Oh, c'est dingue ça quand même là. Non, cela dit, effectivement, c'est bien. Elle se mouille pas, quoi, tu vois. Genre, ouais, non, mais j'avais pas envie de. Mais moi, j'aime tout le monde. Exactement, j'aime tout le monde, tout le monde, tout le monde. Il y a pas de problème. Elle bon. A peur que ça soit un institut qui ouais. surveille. Bon, attends, il y a Samuel qui est là. Salut, Samuel. Salut toute l'équipe, ça va? Ça va et toi? Salut. Ça peut aller, ça va. Bon, est-ce qu'il y a des gens, toi, que tu peux pas piffer pendant les vacances, tu sais, genre en camping, à l'hôtel ou n'importe quoi? Là, on a vu que c'était les Russes, les Allemands et les Hollandais et les Anglais aussi qui avaient le pompon des mecs les plus relous. Après, personnellement, je m'en fous. Tout le monde est en vacances, tout le monde fait ce qu'il veut, donc. Mais justement, c'est bien ça le problème, c'est que tout le monde fait ce qu'il veut et donc du coup, c'est le bordel. Mais bon, après, bon... c'est vrai que les Hollandais sont vraiment casse-couilles. Ah. Peut-être aussi, c'est vrai, en plus avec leurs chaussettes et leurs tongs, là, c'est pas terrible. Bon, Samuel, on rappelle vite fait encore un camping? Pas de problème. Bon, allez, c'est parti, on va encore en rappeler un, là, pour voir, là, j'espère qu'au moins, ils feront pas langue de bois, là. Allez, hop, c'est reparti. Je sais pas du tout où on va, mais on y va. Allez, le camping. Camping La Ferme Misère, bonjour. Oui, bonsoir, c'est le camping? Oui, monsieur. Oui, bonsoir, excusez-moi de vous déranger. Dites-moi, je voulais savoir, pour prendre un emplacement chez vous, il y avait encore des disponibilités en août ou septembre? Août, monsieur, oui. Ouais, bah c'est parfait. Alors juste, avant de me décider, je voulais savoir si s'il y avait beaucoup de Russes. De Russes et des Hollandais et des Allemands. Ah, bon, d'accord, parce que j'ai vu j'étais en train de me renseigner pour les régions, etc. Je suis tombé sur un sondage qui disait que les Russes et les Allemands et les Hollandais, tout ça, c'était les plus casse-pieds, si vous voyez ce que je veux dire. Je préférerais les éviter. Mais si vous cherchez quoi, monsieur, exactement? Ben, un camping, on peut se reposer, quoi. Mais oui, c'est mais pour c'est ça, je préfère. Chez nous, monsieur, mais justement, ouais, mais comme j'ai vu dans le reportage, là, qu'il y avait beaucoup de bruit avec les Russes, les Allemands, les Anglais, monsieur, tout ça. Il y a beaucoup de bruit quand c'est les fêtes de Bayonne, mais après les fêtes de Bayonne, il y a plus personne, monsieur. Ah, il y a plus personne. Bah, alors, il y a plus personne du tout. Attendez, c'est un peu d'humour, monsieur, que vous faites là. Ah non, pas du tout, mais je me renseigne, c'est pour les vacances. Alors, si vous dites qu'il n'y a plus personne, je ne vais pas venir tout seul. Nous avons un camping familial, monsieur, avec des enfants. Ah, il y a des enfants? Alors, si vous n'avez pas les enfants, bon, mais vous ne pouvez pas venir chez moi, alors. Bah, j'aime pas trop, mais ils sont russes. Mais que vous avez après les Russes, monsieur? Bah, ils sont très bruyants. Enfin, moi, j'ai été là-bas. Moi, je ne connais pas les Russes. Les Russes, ils ont des yachts, des grands bateaux. Ils vont à la baie de Saint-Jean-de-Luz, ils achètent à Saint-Jean-de-Luz. Mais ils ne sont pas à Urte, monsieur. Ah, d'accord. Voilà. Ah, ok, mais vous n'êtes pas au bord de la plage? Pas du tout, monsieur. Ah, bon, bah écoutez, bah, vous avez pas un numéro de téléphone d'un camping tout près de la plage? Vous avez internet, monsieur? Oui. Ben voilà, vous cherchez sur internet, voilà, monsieur, bonne soirée, au revoir. Ah, on l'a pas entendu, on l'a pas bien entendu. On a pas le casse-couille. Le casse-couille derrière là. Je sais pas si vous l'avez entendu, nous oui en tout cas. Il y a Angelino qui dit vive les Russes pour la vodka uniquement évidemment, et Steven qui dit elles ne se rend pas compte de la chance qu'elle a, Michael. Bah et c'est ça. Voilà. Je l'appelle pour avoir des renseignements et puis me raccroche au nez. Je suis déçu. Bon, on appellera peut-être un autre camping tout à l'heure là. On va récupérer Samuel maintenant. Sam, t'es là? Toujours. Bon, nickel. Bon alors Samuel, t'appelles pourquoi toi? Bon, en fait voilà, moi ça va faire un peu plus d'un an que je suis avec ma copine. Ouais. Et il y a un peu plus d'un mois, j'ai eu un petit écart, je l'ai trompé, j'ai couché avec encore une autre fille. Oh. Mais c'est la soirée là. Oh là là. Ah mais les hommes fidèles, ça devient très rare. Hein. Ouais. Moi je suis fidèle, mais ça sert à rien. Ah oui, je deviens rare. Parce que t'as pas de meuf, Polo. Oui, ça aussi. Tu disais, Samuel? Et le problème, c'est que la personne avec qui je l'ai trompé, elle est tombée enceinte. Ouh, là t'as fait le jackpot, yeah. Toi. Perdu. Ah ouais. C'est directement le jackpot. C'est chaud, là. Mais comment ça se fait déjà? Première question, c'est pourquoi t'as couché sans capote? T'es inconscient? Bah, la personne, je la connaissais un petit peu, mais. Ah bah oui, alors ça va. Ouais, parce que tu sais, quand tu connais un peu la personne, tu sais que y a, c'est safe quoi. Mais enfin, non, Samuel. On était un peu aimés chez tous les deux et. Bah ouais, mais bon, mais il faut garder toujours des capotes dans votre sac, dans votre portefeuille, je sais pas, quelque part, mais il faut pas y aller comme ça quoi. C'est sûr. Et regarde aujourd'hui. Encore, j'espère que c'est le fait qu'elle soit enceinte, c'est encore la meilleure nouvelle, hein. Oui. Non, parce que pour le même prix, t'as toutes les maladies qui vont avec. Maintenant, elle me fait du chantage. Elle veut que je reste avec elle, sinon elle garde le bébé. Elle veut tout dire à la fille avec qui je suis en ce moment. Ah oui, mais là, t'es dans la merde, hein. Là, y a pas de solution, mec. Hein. C'est-à-dire que si elle garde le gosse, y a un moment, tu vas devoir le reconnaître. Enfin, tu seras lié à elle à vie, quoi. Oui, ça c'est sûr, mais là je suis dans une merde pas possible. Ça il fallait y penser avant de mettre ta bite dans la copine, hein. Ah bah ouais, mais bon. Hein, il fallait pas penser Ça te fait le malin. Hein. Ah bah ouais, mais c'est ça, là pour le coup, t'es bien tombé dedans là, hein. Ah, c'est chaud. Bah c'est une fois qu'on fait les choses après qu'on s'en rend compte. Bah, ouais, voilà. Ouais, tu imagines tous ces emmerdes là qui vont te suivre pendant des années, pourquoi? Pour une minute de kiff. Oh, et encore. Oh, même pas. Ouais, ah, même pas en plus, c'est pas, tu vois. En plus, le truc, il a raté. Bon, Samuel, reste là, on va essayer de trouver une solution, en tout cas des conseils pour toi dans un instant, Sam, d'accord? Ok, c'est cool, merci. Bon, allez, ben, je t'en prie, écoute, avec plaisir. Samuel, reste là. Florian, on va appeler ta copine, là, il serait temps, là, hein? Ouais. Bon, allez, on y va, c'est parti. Donc, toi, tu veux faire une déclaration d'amour à une fille et, ben, avec voilà. Avec qui tu ne sors pas. Avec qui tu ne sors pas et tu lui as déjà fait des signes, elle a jamais des. Ouais, c'est ça, elle a jamais des nouvelles. Donc, on va y aller, là, on va appeler. Ouais. Bon, un conseil. Ouais. Mens-lui directement. Arrête ton cinéma. Bon, on y va, Flo, d'accord? Ouais. Allez, c'est parti. Ouais, on y va. Parti, on l'appelle. À votre avis, est-ce que ça va marcher, pas marcher? N'hésitez pas, le hashtag est Mickaël sur Twitter. Donnez-nous vos avis. Ah, j'espère qu'elle va décrocher. Bah là, ça sonne pas du tout, donc tu vois. Ça ne sonne toujours pas. Ah, mais pas du tout, en fait, là. Messagerie Virgin Mobile. Bonjour. Oh merde, en plus, ça va. Ah, bah, déception totale, Flo, là. Ah ouais. Ah ouais, là c'est con, ouais. Tu l'as senti dans sa voix direct. Hein. Ah ouais, tu veux qu'on la rappelle? Ouais, bah. Bon, écoute. On laisse un message ou pas? On réessaye. Parce que là, dans l'état où il est capable de ouais, se rendre après. À la limite, tu laisses un message, Flo. Tu dis, ouais, voilà, c'est Flo, machin, écoute, j'essaie de t'appeler. Bah, écoute, je te rappelle dans un quart d'heure. Et je comme vais ça, te dire on rappelle. Un truc important, dis-lui. Ouais, comme ça, on rappelle dans un quart d'heure. Dis-lui que tu la rappelles dans un quart d'heure, hein. Bah, je viens de le dire. Non, mais pas. Non, parce que je veux insister des fois. Faut insister pour. Bon, lui, dis-lui que t'appelles dans 10 minutes. Voilà. Voilà, vas-y, Flo. Vous essayez de joindre, n'est pas disponible. Laissez votre message après le bip. Ouais, c'est Florian. J'ai quelque chose d'important à te dire. Rappelle-moi, je te rappelle dans 15 minutes. Rappelle-moi. T'as pas été un peu violent là. Rappelle-moi, je te rappelle. Déjà la meuf, elle va bugger, elle va dire. Oh, qu'est-ce que je dois faire? Je comprends pas. C'est pour ça qu'il faut insister des fois. Bah ouais. Bon, Florian. Ça n'importe quoi. Florian, reste là. On essaie de l'appeler dans un quart d'heure, d'accord? Ouais, ok. Et bon, souris, elle te rappelle. Ouais, ouais. Le sourire, tout ça, au taquet, quoi. Au taquet. Il est stressé, angoissé, le pauvre. Mais oui. Bon, on rappelle un camping. Allez, ouais. Hop, c'est pas. Bah ouais, attends, il faut bien que je trouve une solution, moi. On n'avait pas trouvé de solution tout à l'heure, là. Le camping, c'est parti, on va appeler maintenant. Puisque le concept est toujours le même, donc, bah, on a vu un article comme quoi les Russes, les Anglais, les Hollandais, les Allemands étaient les pires vacanciers avec qui partager ses vacances, justement. Donc, moi, j'appelle des campings pour être sûr qu'ils soient pas là, quoi. Ouais. J'ai pas envie de pourrir mes vacances, évidemment. Bon, c'est parti, on y va. Direction le camping. Et c'est parti. Camping Global, bonjour. Oui, le camping? Oui. Oui, bonsoir madame, excusez-moi de vous déranger. Je vous appelais pour savoir si vous auriez éventuellement de la place pour fin août, septembre. En locatif ou en tente? En locatif. Oui, on a de la place. Ah, parfait, parfait. Alors, je voulais savoir, avant toute chose, avant de réserver, est-ce que vous avez beaucoup de Russes et des Hollandais? Ça nous arrive, mais ça va, pas trop. Ah, mais vous en avez quand même? Oui. Ah, non, parce qu'en fait, en regardant un peu les différents campings, je tombais sur un sondage qui disait que les Russes et les Hollandais, même les Allemands, étaient très bruyants et assez désagréables. Alors, je préférais ne pas arriver en même temps qu'eux. Ah, ok. Donc, est-ce que vous pouvez me garantir qu'il n'y en aura pas si je viens vers fin août, début septembre? Parce qu'il y a de drôle. Excusez-moi. Est-ce qu'on peut garantir au monsieur qu'il n'y aura ni de Russes ni de Hollandais pendant qu'il va venir? Parce des Allemands aussi. Non, même pas. Hein? Non, on peut pas vous le garantir, monsieur. Même si je paye un peu plus cher? Même si vous payez plus cher, oui. Ah, bon. Et quels sont les... Parce que j'ai jamais fait ça, en fait. Hein. C'est la première fois que je pars en camping. Quelles sont les nationalités les plus agréables? Les, pardon? Les nationalités, les gens les plus cool. Je sais pas, les Espagnols, les Italiens. Les gens ou... les plus cool. Comment ça, raccrocher? Bah dis donc, elle m'a carrément raccroché au nez, dis donc, attends, on va rappeler, attends, c'est sérieux là. Ouais, bah ouais, mais enfin elle m'a raccroché au nez quand même. Bon, rappel. Voilà. Camping Jean-Bal, bonjour. Oui, excusez-moi, on a été coupé par rapport à ma location, donc du coup j'ai pas pu le réserver. C'est vous qui venez d'appeler à l'instant, monsieur? Ah oui, oui, tout à fait, ah, oui. Parce que ma collègue est allée essayer de réparer le téléphone parce qu'il fait que couper. Oh, ah bon, bah écoutez, bah c'est pas très grave, hein. Donc du coup, par rapport à la réservation au niveau des plus agréables, c'était pour les Espagnols ou les Italiens, vous m'avez bien répondu? Oui. Oui, donc c'était pour savoir si je venais vers fin août, début septembre, est-ce que j'avais plus de chances de rencontrer les Italiens, des Espagnols? Mais pourquoi vous posez cette question, monsieur? En fait, comme j'ai dit à votre collègue, j'avais vu au moment de regarder les campings, etc., sur Internet, j'ai eu un sondage qui disait que les Russes, les Allemands et les Hollandais, c'était les gens les plus désagréables en vacances. Alors je préférerais éviter de venir en même temps qu'eux, vous voyez? Ah oui, d'accord, écoutez, mais pour l'instant, c'est vous qui êtes le plus désagréable avec eux. Bah écoutez, comment ça? Mais moi, je me renseigne. Oui, vous renseignez, mais oui, je vois pourquoi vous voulez pas de Russes ni de Hollandais. Mais parce qu'ils sont désagréables. Mais enfin, écoutez, ils sont désagréables, vous voulez pas aller en vacances en même temps, écoutez, des personnes. Mais ça va pas, monsieur, tout le monde est pareil. Non, mais d'accord, mais et vous, par exemple, vous préférez quelle nationalité? J'ai pas de nationalité préférée, non, mais c'est un canular, c'est pas possible. Ah non, pas du tout, bah moi je préférais venir. Vous pouvez pas me garantir qu'il y ait que des Français? Non, pas du tout, alors non, pas du tout. Ah bon? J'essaierai même de qu'il y ait plus d'Espagnols, plus d'Italiens, rien que vous embêter, pour vous embêter. Ah non, bah alors je viens pas alors. Hein. D'accord. Ah non, mais ça vous m'aurait pas comme client, bah j'irai à côté. Hein. D'accord, très bien, bah allez à côté alors. Ah bah au revoir, madame. Au revoir. Oh là là. C'est dégueulasse. T'as vu un peu comment elle s'est foutue de moi? Je trouve ça scandaleux, moi. T'as vu, elle voulait inviter que des Espagnols pour t'emmerder. Oui, pour me faire chier, effectivement. C'est assez scandaleux, effectivement. Bon, retour avec Flo dans un instant. Bah, ça fait pas un quart d'heure, là. Bah non, mais on a dit qu'on lui mentait, donc. On ment. De toute façon, ouais, c'est vrai. Bah écoute, on va la rappeler maintenant, Florian, là. Hein. C'est vrai qu'en même temps, dès le début, on a dit qu'on allait mentir. Donc, souris, t'annonces une bonne nouvelle. On dirait que tu vas lancer un drame, là, Florian, là. Ouais. Bon, ouais. Allez, on y va. Il y a des messages qui sont arrivés pour toi aussi, en attendant que ça compose, là, Samuel. Sam, t'es un grand malade, comme tu le dis si bien. Tu es dans une belle merde. C'est Maxime qui disait ça. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Rappelle-moi, je te rappelle, il m'a tué. C'était Florian. Ouais. Il est content, ouais, il est content. Et alors, il y a Chris encore qui dit mort de rire. Même pas une minute de kiff. Précoce, le mec, en plus. Hein. Bah ouais, un petit peu, là. Bon, on en parle dans un instant. En tout cas, on va appeler ta copine, enfin, ta peut-être future copine. C'est parti, Flo. Ouais. Bon, on est tombé sur le répondeur tout à l'heure là, et si jamais c'est de nouveau le répondeur, ben je sais pas, on essaiera de rappeler demain. Alors. Ok. Bon, on y va. Marche pas des masses. Bah. Souris, du tout. Souris. Messagerie Virgin Mobile, bonjour. Eh ben voilà. La personne que vous essayez de joindre. Ça sert à rien du coup. Hein. Bon, bah écoute, le seul truc que je peux te conseiller, Flo, c'est qu'on essaye de rappeler demain si tu veux. Ok, bah, je peux passer une petite dédicace? Ah bah tu verras demain. Ok. Non, allez, à une personne la dédicace. Une seule, hein. Choisis la bonne, hein. Ouais. Romain, Axel. Hop, tu vois Florian, t'as vu comment t'es? Je te donne la possibilité d'appeler ta copine demain, voilà. D'essayer de la voir et tout le bordel, et toi tu mets un couteau dans le dos. C'est honteux. Bah ouais. Ah bah ouais, il faut choisir une personne. Ah bah non, tu mérites rien là, Florian, t'as été mauvais. Oh, oui. Si, t'as été mauvais, Florian. Très mauvais, mec. Sois meilleur demain, d'accord? Ok, ok. Bon, allez. La bonne soirée, Florian. Ok, merci. Ciao, Florian. Bon, on te récupère demain, surtout Florian, là. Bon, et je vous l'avais promis aussi, là. Bon, on n'a pas le temps. On n'a plus le temps. On le fera dans un petit instant. L'ardif, là, d'hier soir, là, quand on a fait notre nouveau jeu, le chéri, je peux te faire cocu. Oh, c'était à mourir de rire. Oh, bah, c'était pas qu'il était énorme, bon. Ça. Ah, bah, ouais, oh, pour là. Ceux qui n'étaient pas là hier, on va vous le remettre dans un instant. C'était à base de ça, là. Ça suffit. Je vais vous niquer tous les deux. Ça suffit maintenant. Ah, tu veux te joindre à nous? Ta gueule maintenant, toi. Ferme ta gueule, toi. Je te connais pas, tu fermes ta gueule. Ah, oui, t'es un peu vulgaire. Oui, elle avait l'air un petit peu à fleur de peau, quand même, hein. Sinon, c'était aussi à base de ça, tiens. Je te taille deux secondes parce que là je crois que je vais prendre l'un et l'autre pour taper sur les deux, tu vois ce que je veux dire? Elle va bouffer le sol et toi je te signe, je vais te castrer. Castrer, bouffer le sol. Et puis il y avait ça aussi, tiens. Ta gueule, toi, mais tu veux quoi? Eh, tu te rends compte de la chance que t'as? Franchement, vu ta voix, je pense pas, parce que je dirais que t'as une voix de merde, alors en plus si ta voix elle ressemble à ton corps, franchement ça va pas être très beau, alors on dégage. T'es en pleine forme, elle. Elle était au taquet. On va vous le remettre dans quelques instants, là. Vous inquiétez pas. Retour avec Samuel. Toujours là, Sam. Toujours. Bon, ben, plein de messages qui sont arrivés. Hein. Samuel qui nous avait appelé il y a quelques instants, là, du Var à Saint-Raphaël. Donc, il a trompé sa meuf et sa maîtresse est enceinte. Donc, jackpot, j'ai envie de dire. Hein. Ouais, ça, c'est... Bravo. Félicitations. Ah ouais, bah là, mec, là, je pense que tu pouvais pas. Ah bah, tu pouvais pas faire mieux là. Hein. C'est gagné. Allez, hop là, les petites pièces. On va faire un petit jeu là, les petites pièces casino, tout ça. Je pense que tu devrais jouer, tiens. Tu devrais mettre quelques petites pièces là, non? Non, je pense pas. On sait jamais jouer à l'euro million. Ah, c'est trop tard, c'était ce soir là. Ah ouais, là, t'as mon avis. J'ai déjà mis la pièce dans la fente, donc. Ah bah oui. Bah oui, et ben, bonne pièce en plus, hein. Il y a Ben qui dit Mickaël, le mec est juste génial, rappelle-moi, je te rappelle. Et Polo sourit, c'est pas la fin du monde, hein. Effectivement, Florian, t'as de la chance. Tu sais, Florian, que tu que ah oui qu'elle te rappelle et que tu la rappelles, ça va pas ensemble. Sam, t'es un grand malade, là t'es dans la merde. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Même pas une minute, un peu précoce quand même. C'est Chris qui avait écrit le message tout à l'heure là. Sam. Oui oui. Ah ouais. Elle était un peu précoce hein. J'étais en soirée. Que Sam, c'est celui qui boit pas. Hein, exactement, après... ouais. Bon, ouais, bah, t'aurais dû prendre un Sam à côté de toi, ça aurait pu t'aider. Maintenant t'assumes, t'as joué au con et il reste plus qu'à assumer. C'est Ben qui va envoyer le message. Donc, là, pour le coup, effectivement. Bon, écoute, comment ça va avec ta copine là? Pourquoi tu l'as trompée? C'est que ça allait pas, j'imagine. On a eu un petit moment, on était en dispute tous les deux et je suis allé à une soirée et c'est parti en sucette. C'est parti en sucette. C'est comme ça que tu appelles ça, donc. Avec la personne avec qui j'étais et on a fait des choses et voilà. Mais après, je m'en veux parce que ça fait vraiment un peu plus d'un an que je suis avec ma copine et je suis fiancé avec elle. Oh! Ah ouais, mais ça s'entend pas comme ça là que t'es fiancé. Donc fiancé, ça veut dire promesse de mariage, hein, ouais. C'est ça, hein? Bah c'est ça, bien, oui. C'est bien comme ça, tu sais, c'est comme maintenant c'est beaucoup des familles recomposées, toi tu t'arriveras direct avec ton gosse, c'est bien. Avec ta famille, quoi. C'est mieux, ouais. Mais elle a envie d'un bébé, ta vraie copine? Ah, ma copine, oui. Hein? Ma vraie copine, oui. Eh ben, regarde, moi je pense que tu devrais l'appeler, hein, et tu lui annonces les choses clairement. Tu lui dis, écoute, j'ai une bonne nouvelle, tu vas pas devoir te faire chier 9 mois avec un truc dans le ventre. Un truc. J'ai déjà l'enfant. Ouais, c'est ça. Non, mais t'as vu la photo? Je sais pas si t'as vu la photo, Samuel, que j'ai mise sur le Facebook, là, facebook.com/mikaelofficiel. Un bébé de 6,5 kg qui est né, je sais plus dans quel pays, peu importe. Je crois que c'était un Allemand d'ailleurs, si mes souvenirs sont bons, mais sans certitude. Et donc, en fait, la fille a accouché naturellement. Donc, pas de césarienne. Donc, 6,5 kg qui est sorti, hein. Non mais c'est une violence. Va la voir. Franchement, le bébé, il est énorme. T'as l'impression qu'il a déjà 6 ans, quoi. Il est énormissime. Donc tu vois, tu peux arriver avec cette photo-là en disant, écoute, regarde, tu risques d'avoir un bébé comme ça, ça va faire super mal. Donc regarde, cadeau. Regarde tout ce que je t'évite, les nausées, les envies de fraises quand il y en a pas. Tout ça, ce sera hop. Et ouais, terminé ou oublié. Il y a Lucas aussi qui dit t'es vraiment trop dans la merde, mon pote. Bah ouais. Heureusement, je vous avais dit envoyer des messages pour donner des conseils. De soutien, hein. De soutien. Il y a quoi aussi c'est Victor qui dit, ah oui, ça c'est par rapport au chéri, je peux te faire cocu. T'as une voix de merde, la meuf me tue, vous êtes trop fort, je vous kiffe. Bah c'est gentil, Victor. Le papa, c'est Brieux qui a envoyé le message. Oui, bah bien dans la merde. Hein. Écoute, sincèrement, je voudrais pas. Dans la merde. Oui, et je voudrais pas être à ta place. Bon, là ça va faire mal. Ah ouais. Attends, la vie des mignons également là, ce sujet là. Oui, là je pense que tout est dit hein. Ah ouais. Il y a un message aussi, il y a Benjamin qui dit nia nia nia, tu te rends compte de la chance que t'as. Oui. Tu vas être papa, mais c'est vrai, bravo. C'est beau, félicitations. Eh, félicitations là quand même. C'est vrai qu'on t'a même pas félicité. Bravo. Bravo mec. J'ai une idée pour le prénom ou pas? C'est ça, t'as une idée pour le prénom? Ah bon, si j'ai un garçon, je veux l'appeler Enzo. Si j'ai une fille, je veux l'appeler Maya. Maya. Non, Himalaya. T'aurais pu faire Enzo Enza, comme ça, au moins c'était plus facile. Ouais, mais et du coup, tu vas gérer le prénom avec qui? Avec ta vraie meuf ou avec la maîtresse? Déjà, je vais essayer de virer le problème et après on verra. De virer le problème? Non, mais écoute. Non, de gérer. Parce que là, je t'explique concrètement, là, c'est-à-dire que c'est ta copine, enfin ta maîtresse qui te tient par les couilles, hein. C'est-à-dire qu'elle est enceinte de toi et elle veut aller balancer à ta meuf. Donc là, je pense qu'il y a un moment. Papa. Non, mais là, je vais devoir faire la part des choses et assumer ce que j'ai fait. C'est dommage, on l'a déjà mis parce qu'effectivement, j'avais une petite dédicace pour toi, là. Hein, tu vois, on aurait pu se le mettre, le Stromae, là. Hein. Ouais. C'est vrai, franchement, il aurait été, mais. Pile poil à la bonne place, quoi. Ouais, c'est con, ça. Enfin, c'est con. Dans le cas de son gamin, ça serait plus c'est qui ma maman, hein. Maman où t'es, effectivement. Bon, attends, il y a aussi Fred là qui est avec nous, qui sera avec nous dans un instant. Allô, Fred. Oui, bonjour Miko, comment tu vas? Moi c'est Mickaël, Miko c'est parti fun, mais c'est pareil, hein, Miko, Mika. Bon, on n'est pas dans le détail. Appelle Mick, comme ça t'es tranquille. Tu fais pas d'erreur comme ça. Bon, Fred, t'appelles du Lot-et-Garonne, toi, dans le 47, t'avais un avis à donner à Samuel, c'est bien ça? Ben, j'ai pas 20 ans, j'ai 39 ans, quoi. C'est ce que j'ai dit, 39 ans, oui, j'ai dit 20 ans. Pardon, excuse-moi. Non, c'est peut-être moi, hein, c'est possible. Hein. C'est possible. Attends, reste là, Fred, on va te reprendre dans un instant, tu bouges pas? Je bouge pas. Bon, parfait, on aura Morgane aussi, t'es là, Morgane? Oui. Bon, bah très bien, bah bouge pas Morgane, on va te reprendre dans un instant aussi. T'avais aussi ton avis à donner par rapport à Samuel? Oui. Très bien, oui. Et puis on a Guillaume aussi qui est là par rapport aux touristes. Salut Guillaume. Salut Mika. Comment ça va? Ça va très bien et toi? Bah écoute, très bien, ouais, très très bien Guillaume. T'appelles de Saint-Tropez toi, dans le Var. Bah oui. Parfait, au niveau des touristes là, je pense que t'es servi hein. Oui. Et alors c'est quoi les pires touristes? Franchement. Ouais. Je pense que c'est les Chinois et les Asiatiques. Man, pourquoi te dessin? Mais pourquoi c'est les plus chiants, tu penses? Parce qu'ils sont pas attentifs, ils en ont rien à foutre de tout. Ils sont pas polis. Je travaille dans des hôtels qui sont dans des beaux hôtels, mais je pense que c'est un peu les pires. Après, on a les Russes. Ah, comme quoi, donc mon classement il était vrai. Hein. Et est-ce que les Allemands sont là également là? Pas beaucoup. Franchement, pas beaucoup. Ah, mais ils vont peut-être pas à Saint-Tropez, hein, tu me diras. Ils vont peut-être plus en Espagne, à mon avis, je pense. Les Allemands, ils vont en camping, oui, ils vont pas à l'hôtel. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est le retour à la nature. Ils vont beaucoup en Grèce aussi. En Grèce aussi, sinon, ouais, c'est vrai. On a les Français aussi. Hein. Qui sont chiants? Ah, ouais. Mais pourquoi? Parce qu'ils se la ramènent ou. Parce qu'ils se la ramènent et qu'ils se croient tout permis parce qu'ils payent 1000 euros la nuit. Oui, mais quand tu payes. Franchement, moi, je paye 1000 euros la nuit, je suis tout permis aussi. Ouais. Comment t'expliquer? Mais tu travailles dans quel hôtel pour payer 1000 euros la nuit? C'est violent, hein. Ouais. Dans des très beaux hôtels. Ouais, enfin, tu vas à l'hôtel qui est au coin de la rue ici, t'inquiète pas, c'est 1000 euros la nuit. Hein. 1000 euros la nuit? Bah, facile, ouais. Mais t'as quoi pour 1000 euros la nuit? Un KGB, je suis sûr, là-bas. Waouh! Ah non, 1000 euros la nuit, t'as vraiment une jolie chambre. Donc, mais c'est les tarifs. L'hiver, je suis dans les Alpes. Et ça monte jusqu'à 37 000 euros la nuit. Ah bah voilà, d'accord, là d'accord. Ah ouais. Mais tu peux nous avoir des pistons, Guillaume, parce que justement dans les Alpes on t'a passé en hiver. Donc si tu nous fais une petite promo parfait. Et tu nous fais tu nous fais 95% du prix et on prend. ouais c'est ça. Une petite ristourne. J'ai déjà du mal à avoir des tarifs pour moi-même. Attends Guillaume, ouais. T'as le bras long, t'as pas le bras long là, t'es sérieux là? J'ai le bras qui est correctement long. D'accord, ok. Bon bah bon courage Guillaume alors dans le Var avec les Russes. Si je me suis fait insulter une seule fois dans ma vie, c'était par une Parisienne. Ah ouais? Donc, d'accord. On a beau dire des Russes, des Allemands, tout ça, mais les Français sont quand même corsés. Moi, sur la saison d'hiver, il y a une semaine que je redoute, c'est la semaine des Parisiens. La semaine oui, de février. Oui, oui, oui, ah ouais, oui. Mais peut-être parce que c'est les seuls que tu comprends, tu vois, quand ils t'insultent, c'est ce qu'ils te disent. Parce que tu vois, si c'est les Russes, les Hollandais, ils vont peut-être t'insulter, mais tu ne peux pas comprendre de dire oh, mais thank you! On est obligé de parler plusieurs langues, donc forcément, on les comprend. Et puis, quand ils disent Son of Beach, ça c'est. Oui, ça on comprend, oui, effectivement. Ça veut dire c'est très joli, c'est très bel hôtel. Bel hôtel et pas cher, très bon service. Exactement. Bon, bah, merci exactement. Guillaume. En tout cas, tu reviens quand tu veux sur Fun. À bientôt à Saint-Tropez. Salut. Allez, ciao. Et restez bien là dans un instant. Je vous remets le son d'hier là, avec le Chéri, je peux te faire cocu. Et puis, comme promis, le son d'Armin Van Buren, ça va arriver dans un instant. On va aussi récupérer Samuel, Florian, Fred, Morgan et tout le monde sur Fun Radio. Restez là, c'est Mickaël No Limite depuis 20h. Prenez le contrôle. Appelez le 01 42 48 5000. 20h, 23h. Fuck, Mickaël. I don't fucking care. Sur Fun Radio. Fun Radio. Ouais, depuis 20h sur Fun Radio, c'est Mickaël No Limit. On est là pendant tout l'été. Bah, profitez-en bien, justement. Tiens, dans un instant, ouais. Sur Fun Radio, on va se faire le Chéri, je peux te faire cocu d'hier, là. Ça vous avait bien fait marrer, d'ailleurs. C'était à base de ça, tiens. Tu vas te ta gueule deux secondes, parce que là, je crois que je vais prendre l'un et l'autre pour taper sur les deux. Tu vois ce que je veux dire? Elle va bouffer le sol, et toi, je t'explique, je vais te castrer. Voilà, elle va castrer, en fait, tout simplement. Donc, en toute sympathie. Donc, restez bien là, on va vous le remettre dans un instant. Vous avez été nombreux à vouloir le réentendre. On va se le faire juste après le son d'Armin Van Buren, maintenant sur Fun Radio. This is what it feels like. Et d'ailleurs, si vous voulez vous aussi venir sur le Facebook, vous êtes les bienvenus. Facebook.com/MIKL officiel. Allez, bonne soirée avec Fun. Nobody here knocking at my feels like. Un truc à dire. Appelez Mickaël. No Limit. 01 42 48 5000. Exact, c'est le numéro du standard. Allez-y, profitez-en. On est là jusqu'à 23h sur Fun Radio. C'est Mickaël No Limit. Et je vous l'avais promis hier soir. Je vous l'avais promis tout à l'heure. On l'a fait hier soir. C'était le Chéri, je peux te faire cocu. Le nouveau jeu. Et ça a donné ça. Oh, je vais vous défoncer tous les deux. Calme-toi. Je te jure, mais arrête déjà. Pas de mon cœur qui tient. Moi, je te dis. Tu couches avec elle. On n'est plus ensemble. Stop. Maintenant, d'accord? Voilà. Et puis pour ceux qui n'étaient pas là hier soir, je vous l'avais promis. Vous l'aviez demandé d'ailleurs aussi en masse sur Twitter et sur Facebook. Je vous remets les meilleurs moments maintenant. C'était hier soir sur Fun. C'est parti, on y va. Et c'est Annie, ta copine. C'est ça, tout à fait. On y va, c'est parfait. Et donc nous, on va couper les... normalement, tu nous entendras plus. Hop. Ok. Là, tu nous entends plus, par exemple. C'est parfait. Allô? Oui, mon cœur, ça va?

Ouais, c'est ça. Non, j'avais hésité avec la danse classique et puis je me suis dit non. Bah ouais, j'imagine. Ouais, c'était le tutu, il y avait pas ma taille. C'est ça, je comprends. Ça coûte cher quand même, hein. Bah écoute, on verra demain. En tout cas, tu feras des photos, vidéos, tout ça un maximum. Bah demain, c'est jeudi. Ah, c'est jeudi, bah tu feras des photos quand même. Oui, bien sûr. Bon, bah très bien. T'inquiète pas, je serai beau dans mon petit maillot, mon bite et tout, je serai hyper sexe. Je n'en doute pas. Bon, du coup, avec tout ça, on a plus le temps, malheureusement, là. Samuel, Fred et Morgane pour réagir au sujet de Samuel qui a trompé sa meuf avec forcément sa maîtresse. Pas de bol, la maîtresse est enceinte, donc c'est le drame. Samuel, Fred et Morgane, on vous reprend demain soir, ça va pour tout le monde ? Il n'y a pas de problème. Bon, bah super, merci de votre compréhension. Parce que bon, forcément, il y avait chéri, je peux te faire cocu, je l'avais promis aussi. Mais demain matin, oui, on vient à 6h. Demain matin, on sera au taquet. Demain soir, donc, on va vous reprendre dès le début de l'émission et puis on aura le temps d'essayer de trouver une solution, d'accord ? D'accord, okay. Bon, merci à vous en tout cas, bonne soirée. Florian, on te rappelle demain aussi, toi, par rapport à ta copine, on va essayer de la joindre demain, du coup, hein. Florian ? Il est déjà parti, c'est parfait. Et puis Camille qu'on a eu en début d'émission, t'as remarqué qu'on n'a pas trop eu le temps non plus ce soir. Donc toi aussi tu reviens demain sans faute, Camille. Ok, ça marche, d'accord. Parfait, à demain. Bon, et ton sujet c'était quoi? Donc toi t'étais hétéro et tu voulais, t'étais attiré par une autre fille, c'est ça? Absolument. Ah, avec son sens. Bah oui, évidemment. Ah, là, bah Tof, t'as 24 heures pour te déguiser en meuf. D'accord, mais sinon Camille, combien mesures-tu? Ah là, vite fait avant de partir. Alors, 1,65. Hein. Combien pèses-tu? 47. Quel est ton tour de poitrine? 90D. Ah ouais, D comme Denise. C'est la taille du dernier pantalon que j'ai acheté. J'ai pas entendu. D comme Denise. Ah oui. 34. Ah oui. Ah ouais, je vais me déguiser en fille également. C'est du gâchis. Oui, c'est du gâchis. C'est, non, mais elle a pas dit qu'elle était Gwyn. Elle a dit qu'elle était hétéro, mais qu'elle voulait essayer avec une fille. Ah, mais tu veux pas que je sois là quand vous essayez? Pour filmer. Mais oui, je suis un gros pervers. Elle a dit on peut s'arranger. Ouais, c'est ça. Bon, Camille, on te reprend demain, d'accord? Ça marche, parfait. Allez, bonne soirée, les gars. Je te fais des bisous, bonne soirée à toi aussi, Camille. En tout cas, merci d'avoir été là ce soir. Merci à tous ceux qui étaient connectés ce soir sur le Facebook, le Twitter. Je vais en citer quelques-uns, là, ceux qui étaient là ce soir et qui ont bien participé à l'émission. Il y avait notamment Antoine, Caroline, Maxime sur Facebook, Claire, Jean-Baptiste, Héloïse. Il y avait Eris aussi, DJ Alex le podium. À quel moment tu te crées un compte où tu t'appelles DJ Alex le podium? C'est surtout ça ma grande question, tu vois. Il y avait aussi Morgane, il y avait Valentin, Pablo, Patricia, Charlie, et puis évidemment tous ceux qui étaient sur le Twitter avec Aurélien, DJ Kylian, comme d'hab, Christophe également, Abby, Thibaut, il y a Simog également qui était là, Denis, il y avait Jesse Beach, bien sûr, bah, les habitués quoi, et puis tous les nouveaux qui sont arrivés ce soir, eh ben, bienvenue à vous toutes et vous tous, et puis on se retrouve demain, nous, à partir de 20h sur Fun Radio. 20h, 23h. Fuck, I don't fucking care. Sur Fun Radio. Fun Radio. Ouais, et dans un instant sur Fun Radio, bah c'est parti Fun. Bah c'est même pas dans un instant là, ça aurait dû démarrer il y a 5 minutes. Adrien, désolé. Hein. Ah, putain, j'aurais pu venir à la bourre quoi. Bah t'aurais pu, mais je t'ai dit que j'allais être à la bourre en plus là. Et t'étais là plus tôt et tout, mais bon, qu'est-ce que tu veux. Ça va bien, en pleine forme ce soir? Ça va super. Écoute, je reviens du sud, piscine et tout, je suis en pleine forme. Ouais, je comprends, ouais. Ouais, c'est dur. Hein. C'est dur la vie. Hein. Ah ouais. Bon, c'est Nervo là qui va démarrer Party Fun dans un instant. Les deux sœurs jumelles de Nervo sont australiennes, elles sont magnifiques, elles mixent en plus super bien. Bah oui, justement, Tof s'était rendu compte de duo là. Je vais rester un peu ce soir. Les sœurs jumelles en plus. Hein. Alors là, je vais rester. Le rêve. Le rêve. Et il va rester. Mais fais d'abord un peu aquabike, ça te donnera peut-être plus de muscles. Pourquoi d'aquabike? Hein? Tu veux pas aller avec Adrien là, faire un peu d'aquabike? Avec plaisir. C'est du vélo dans l'eau. Hein, c'est du vélo dans l'eau, ouais. Ah, c'est super dur à faire. Il paraît que la résistance de l'eau, ça aide à. Enfin bon, bref. Oui. Ouais. Ça aide à muscler quoi. Ah oui, non mais. En fait, c'est plus facile de faire du sport dans l'eau et en plus avec la pression de l'eau, ben tu travailles un peu plus. Parce que d'accord. Je vois que je vous emmerde, alors c'est pas ça. Ah oui, c'est pas du tout. Tu sais que tout ce que tu dis est très intéressant. Hein? D'ailleurs, on va continuer l'émission. Je vais couper ce morceau chaque fois que je parle dans l'émission, je le passerai. C'est ça, ouais. Bon, allez, on se quitte là, 23h, si on est déjà à la bourre. Donc c'est Adrien maintenant et Party Fun jusqu'à 6h du mat. Et puis loupez pas G également qui sera présent dans le morning. Ce sera tout à l'heure à partir de 6h du mat. Bonne soirée avec Party Fun. Bonne nuit. Je lui ferai une bise à G de votre part. Eh bah écoute, avec plaisir, pas de problème. Salut. Et ciao. C'est Party Fun qui démarre maintenant sur Fun Radio. Party Fun avec Sam. Celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Si t'as pas de Sam, t'as le son. Fun Radio.